Quelqu'un veut peut-être sortir. Bravo les super-héros, vous êtes bien tous les mêmes. Les super-héros d'Indestar, c'est les Peck Avengers. Jusqu'à très tard ce soir. Bah, jusqu'à 23h à peu près. Oui. Bah, à moins qu'on ait la demi-heure de décalage de Peck Avengers qu'on met assez souvent quand même. Mmh, c'est vrai. On va l'appeler comme ça, la demi-heure, ouais, Peck Avengers. La demi-heure de Peck. Ça dépend si Océane arrive ou pas en cours d'émission et ça sera de sa faute si on prolonge. Alors Océane, s'il te plaît, dépêche-toi de venir, ouais, qu'on ait une excuse. Bah, en tout cas, pour le moment, il n'y a que Teddy, donc Kevin, Thierry et Daniel. Eh hey, ouais, je suis là moi aussi. Mais Linda, si tu veux qu'on soit en retard, tu nous appelles. Oui, aussi, tu peux nous appeler au 09 70 407 306. Mais t'inquiète pas, on pense beaucoup à toi quand même, Linda. C'est pas parce que t'es pas là qu'on pense. Oh non, pas c'est à toi. Pas vrai. Et moi, je pense à la petite qui mange son cordon bleu dans sa chambre. Tout ce que j'entends, c'est que ce soir dans les Peck Avengers, on est bien en forme quand même. Ouais. Ça commence bien sur les chapeaux de roue. Ah ouais, c'est en forme là. Je dirais même que c'est un rapport avec le thème de ce soir. Bah, les fleurs. Les fleurs, ouais, c'est qu'on a peut-être un peu trop fumé avant. Ouais, je crois, ouais. Je pense que j'ai touché un peu trop aux champignons. Ouais, ouais, ouais. Ça serait pas déconnant. Pourquoi pas, ouais. Ça va être une émission magique. Ouais, ça m'étonne. Va pas, pas trop vite avec Alice au Pays des Merveilles, quand même. Ouais, dessin animé qui représente tout à fait l'état d'une droguée, hein, quand même. Oui, c'est totalement vrai. Ah, mais on en parlera tout à l'heure, enfin, si on a le temps, parce qu'avec tout ce que je vais dire avant. Oh, t'inquiète pas, on aura le temps pour ça. Bah, tu vas nous parler de quoi d'ailleurs ? C'est ce que j'allais dire, oui, justement, tu vas nous proposer quoi ? Les champignons. Les champignons. En fait, j'étais parti sur les champignons dans la pop culture, donc dans la fiction, et notamment Alice, parce que j'ai travaillé beaucoup dessus. Parce que t'as beaucoup fumé avec, oui, on a compris. Oui, oui, oui, oui, oui. Alors, mais je pensais prendre le thé avec Alice, mais en fait, dans la maison du grand Schtroumpf. Enfin, c'est un peu compliqué. Ouais. Pendant que vous allez faire les champignons dans les jeux vidéo. Alors, si j'ai bien compris, le grand Schtroumpf n'avait pas reçu l'invitation, il n'avait pas tout préparé en fait. Ah. Ça peut être ça, ouais. Il a peut-être fait trop fumer sa cheminée et comme il habite dans un champignon, je ne sais pas les faire. Ah bah. C'est pour ça qu'il a le bonnet rouge, lui. Il est devenu communiste en fumant ça. Enfin, non, mais vous noterez qu'il y en a qui ont le nez rouge, mais le grand Schtroumpf, c'est pas le c'est nez bonnet, rouge. Ouais. C'est le bonnet, ouais. Ah, non, mais les interprétations qu'on peut lire, des fois, c'est non, mais totalement oui, des fois, oui, t'as des trucs. Parce qu'il y en a un qui a un bonnet rouge, alors tout de suite, machin, truc. Comme ouais. C'est ouais, ça, ouais. C'est t'as des rapprochements qui sont faits. C'est fort. On va aller voir du côté de Daniel aussi ce que tu nous prévois. Ah ouais, alors moi je suis très très fleuri, on va parler des chansons, des fleurs dans les chansons. En même temps très fleuri, t'as une chemise hawaïenne donc... Ouais, ah bah oui, justement. Bah, Daniel sans mal. Chemise hawaïenne, est-ce que c'est Daniel? Ouais, c'est vrai. Ah, et est-ce qu'il a elles ont pas des fleurs ce soir, elles ont des palmiers. Est-ce qu'il a des fleurs dans les chaussons? Je préfère les chaussons aux pommes, moi, que les chaussons aux fleurs. Mais ça c'est des questions de goût, hein. Tu dois sentir bon des pieds alors. Ouais. Je vais juste en profiter pour une petite chose là quand même. Oula. Vu que c'est la présentation qui n'a rien à voir directement avec Kevin, les fleurs. Si je coupe, hein. Ouais, t'inquiète. Non, vous vous rappelez l'an dernier, il y a à peu près un an, on avait fait une émission sur DreamWorks. Ouais. Et on avait eu une interview ouais. de Sébastien qui était donc, je vais dire tout simplement animateur chez DreamWorks, animateur des longs métrages. Ouais. Et donc Sébastien évolue. C'est un Pokémon. S'occuper. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Il va donc travailler, développer ses propres projets à lui. Ouais. Et il m'a promis ultérieurement, alors je ne sais pas encore quand, d'accord. de venir dans Peck Avenger. Oh, comment il lance ça au calme ? Ah ouais, c'est... Ok. Voilà. Donc, je ne sais pas encore. Bon, j'ai une petite idée, mais j'ai pas de confirmation. Donc, je vous d'accord. donnerai pas. Pour l'instant, ça reste un dream work. C'est ça. Bah, s'il y en a qui sont comme moi, qui ont raté l'émission, on peut aller la retrouver en podcast. Ouais. Exactement, c'est oui. Exactement, sur Indestar. Comment ça, t'as raté ça. Une émission ? Bah oui, j'étais pas encore là. Ah bah, t'es pas bon. Alors. Il t'est pas encore né, celui-là. Ouais. Toi, Teddy, tu nous fais un petit quiz encore ? Ouais, et un petit quiz assez sympa. J'aime bien les fleurs. Ouais. Tout ça, sur donc, l'échelle du Teddy, gentil. De 1 à 10, il a combien ? Allez, je dirais 3. Oui, mais lui, il va alors nous... il a 8. Il va nous jeter des fleurs. Ouais, je crois qu'il va nous faire mal aussi. Tant après, ça dépend quelles fleurs on jette, hein, parce que si c'est une rafflesia, c'est pas très gentil. Il achète des roses, il ne garde que les épines. Ouais, c'est ça. Parce qu'au moins, elle fane pas les épines, c'est pour ça. Ouais, ça pique. Ça pique, oui, cette histoire-là. Ça pique, ouais. Il n'y a pas de doute. Ouais. On est bien parti, c'est ça. Ouais, on a l'air sacrément en forme, là, quand même. Et toi, tu vas nous parler de quoi, Kevin ? Moi, je vais parler d'un petit truc dans Pokémon. Les baies. Oui, les baies dans Pokémon. Il y a ouais, des moutons dans Pokémon. C'est ce que j'allais dire, alors, pas les baies. Oui, t'as des moutons aussi ouais. en forme de Pokémon. Nous sommes tous des moutons. Mon mouflon. Là, je pense à Watt ou Watt aussi. Ouais, chacun son. Ouais. Mais ouais, je vois, bah du coup, ça annonce toutes les couleurs. Ouais, c'est ça. C'est t'as eu raison, les fleurs sont de toutes les couleurs, donc ça peut annoncer que toutes les couleurs. Hein. Ouais. En effet, hein, c'est. D'ailleurs, en parlant de fleurs, vous avez une plante, soit que vous utilisez beaucoup en cuisine, ou que vous aimez bien dans votre jardin, ou quoi que ce soit. Quel est votre lien le plus fort avec une plante ou, j'ai quelque chose, peut-être pas un lien le plus fort. Pas la fumée. Mais en cuisine, justement, tu parlais en cuisine. Ouais. Et j'ai testé un truc, j'ai testé plein de choses. Ça se confirme. Alors, au niveau confiture, donc d'une part, j'aime beaucoup mélanger, mettre de la lavande dans la confiture d'abricot. D'accord. C'est un parfum extraordinaire. Et ça, je ne vous l'ai jamais dit, je suis un spécialiste de la confiture de pétales de fleurs. Mais de quelles fleurs? N'importe. N'importe. Alors, je fais pétales de rose. Ouais. Et la meilleure de ce que j'ai mangé qui est au-dessus du lot, qui est très au-dessus du lot, c'est d'ailleurs un des meilleurs mets, je vais dire culinaires, que j'ai mangé, c'est la confiture de fleurs de seringa. C'est extraordinaire. Je connais même pas la fleur, j'ai compris seringue. Seringa. Non. Alors, nous sommes tout près de l'hôpital, ils récupèrent les. Mais t'es pas à l'hôpital, ouais, non. Ce ne sont pas les fleurs de l'hôpital. Ça ressemble à quoi les seringas, c'est ça? Le seringa, ce sont des petites. Seringa, pas seringa, seringa. S-E-R-I-N-G-A. Ah, c'est mon accent du n'importe comment. Voilà. Ouais, c'est l'accent ce du Teddy. Ce sont des petites fleurs blanches, donc en plus, il y a une façon de les préparer de façon à. C'est des pâquerettes? Non, ça pousse sur des arbres. C'est pas sûr que ça soit comestible avec les pâquerettes, faut regarder. Hein. Et ouais. Franchement, c'est extraordinaire. Alors, j'ai une façon de le faire. Faut pas être pressé parce que entre la récolte. C'est blanc? C'est blanc, oui. Sur les fleurs d'acacia? On peut le faire aussi avec des fleurs d'acacia, mais c'est pas beaucoup, pareil, beaucoup plus ça, parfumé. Ça, j'en mangeais beaucoup. D'accord. Non, tu laisses faire les abeilles qui font du miel d'acacia. Voilà. Ouais, c'est et ça autrement, ouais. C'est beaucoup plus parfumé, le résultat. Alors, on en trouve par chez nous? Il y en a par chez nous, oui. D'ailleurs, si Daniel en a fait, c'est qu'il y en a. Si quelqu'un en a par chez nous, j'ai plus d'endroits. Avant, j'avais des amis qui avaient des seringas. Il n'y a plus d'amis. Ils l'ont coupé le seringa, en fait. Donc, j'ai plus de fleurs. Il a peut-être plus d'amis aussi, comme tu disais. Si quelqu'un a un seringa et qui veut goûter à la confiture de seringa, parce que j'en donnerai quelques Daniel pots, serait ravi de vous faire de la confiture de seringa. Voilà, et de m'en garder pour moi. Alors, évidemment. S'il vous plaît, vous m'appelez, comme on disait tout à l'heure, au 0960... non, perdu. 0970 407 306. Ah oui, je me trompe. T'as voulu aller trop vite. Voilà, c'est ça, oui. Ah. Mais non, il voulait dire les 10 chiffres ensemble. Alors ouais. On décompose. Alors, au 970 407 306. Ça peut être ça, ouais. C'est le nombre de victimes. Enfin bref. Oui. Donc ça me permettrait de c'est refaire un des. Pour faire un pot. Avec les pétales de rose, c'est très facile. Donc. Ouais. Mais les fleurs de seringa, d'ailleurs, faut attendre près d'un an entre la dégustation et le. Mais la récolte. Oui, la fabrication. Il y a plusieurs étapes, voilà, c'est d'accord. Ça. Donc, ton lien le plus fort avec la flore, ça serait les fleurs de seringue. Parce que si finalement. J'ai bien compris, c'est peut-être le truc que tu préfères le. Ah oui, ouais. C'est franchement extraordinaire. Là, j'en ai plus, je peux pas vous faire des. Le pire, c'est que t'as même pas dit la meilleure confiture, c'est l'un des meilleurs plats que t'as mangé. Ouais, ça a été le meilleur, t'as dit. Oui, avec des fleurs, c'est peut-être le meilleur plat que j'ai mangé avec des fleurs. Ouais. La meilleure préparation culinaire, on va dire. D'accord. Et toi, Thierry? Moi, je sais pas. J'aime beaucoup les fruits, les légumes, etc. Par contre, je vous disais tout à l'heure en off que aujourd'hui, j'avais fait de la confiture de potiron et j'aime bien en fait parce que ça me rappelle des souvenirs d'enfance. En fait, j'aimais bien quand je passais chez mes grands-parents en hiver et qu'ils avaient fait ils faisaient beaucoup de choses en fait avec les potirons. On pensait à de la soupe, on peut faire plein de choses avec. Et quand ça sentait le potiron, ouais, ça me rappelle les souvenirs. Et là, en faisant la soupe, j'ai dit, ah ouais, ça rappelle. Et après, ouais, quand j'ai goûté, je lui ai dit, ah, ça, la texture, c'est exactement ce que. On n'arrive pas toujours à faire comme c'était avant, mais là, j'ai replongé en enfance. Mais là, t'as réussi à faire comme c'était avant. Ah, j'ai pas eu cette chance-là. J'ai pas eu de grands-parents qui faisaient les confitures. Moi, ils étaient sur Iminouille. C'est pas la même, ouais. Ah, c'est sûr qu'en confiture, c'est pas terrible, non. Ça. Toi, t'es dit, si t'avais une fleur en cuisine, ça, ce serait quoi? Pourquoi j'ai lancé cette question si bah je peux ouais. pas y répondre? La fleur de pavot, il prend les graines pour mettre dans le pain. Vrai que j'ai un lien particulier effectivement avec dit, tout ce qui est blé. Oui, c'est pas faux, effectivement. Ouais. Ça m'est même pas venu à l'esprit, mais c'est vrai que techniquement, c'est ça qui me correspond le plus. C'est vrai que tu pourrais nous faire un pain avec une fleur, quelque chose. comme ça. Ouais, tiens, si t'avais une fleur à prendre pour faire un pain, ce serait quoi? C'est une bonne question. Alors, moralité, c'est... je crois que tu l'as encore plus foutu dans la merde. Une fleur, ça a pas la texture pour en faire de la poudre, en fait. Enfin, quand ou alors en déco dessus, je sais pas. On peut faire de la farine de banane, on peut faire de la farine de châtaigne, parce que ce fruit, enfin, se porte bien à faire de la farine. C'est farineux, oui. Donc, mais des fleurs, c'est pas du tout farineux. Non, mais par exemple, on met des lardons dans du pain, on fait du pain au lardon. Des fleurs de lardon. Pourquoi pas, ouais. Alors, un pain à base de fleurs... C'est peut-être un peu compliqué comme question. Tu nous répondras peut-être la semaine prochaine, non ? J'en ai un en tête, avec des fleurs de violette. D'accord. Je sais plus ce qu'ils mettaient dedans en plus. Parce que faut que ça soit avec quelque chose d'autre. La violette ne suffit pas à elle-même. Mais ils mettaient autre chose dedans, un ami. Ouais. Fleurs de violette... Ah, ils mettaient un ami dedans. Ouais, c'est quand même pas très sympa pour son ami, quand même. Ça devait faire un gros pain, ou alors l'ami était tout petit, hein. La fleur de violette, ouais. Mais ou alors la fleur d'acacia, ça j'en mangeais quand j'étais jeune. Ouais. Mais la violette doit être parfumée, puisqu'on fait des bonbons à la violette. Oui. Donc, C'est vrai que ouais, on en fait, oui. C'est très fort en parfum, en plus. Dans le pain, je dirais que ce serait la fleur de violette, ou peut-être la fleur d'acacia. Je suis sûr que ça se tente de faire une fougasse, On a bien la fleur de courgette avec les beignets aussi, hein. Oui, bah oui. Ah oui. Ouais. Ah oui, très bien. Mais pourquoi pas? Oui, oui. D'ailleurs, alors c'est pas quoi les fleurs mâles qu'il faut prendre, c'est pas ça. Il y a pas une sélection des fleurs, il me semble. Alors, est-ce que c'est la fleur mâle pour laisser les femelles? Non, t'as dit non. Ça à l'origine, je sais pas. Oui, c'est peut-être ça pour prendre les fleurs qui ne seront pas fructifères, quoi. Voilà, peut-être. D'accord. Ah ouais, c'est possible. Mais on en a encore fait. Ouais, cette année, j'ai une amie qui a un jardin et qui est allée prendre des fleurs de courgettes, qui les a fait frire et c'était super bon, super doux. Ah ouais. Toi qui as testé. Et toi, Kevin, t'as niveau plante, t'en es où dans ta vie? À part les fumées. Même pas en plus. Ouais. Non, honnêtement, j'ai un palais tellement bon que c'est y a rien quoi en fait. Non, y a pas de fleurs. Il a confondu orange et ananas. Oui, j'ai réussi à confondre de l'orange et de l'ananas cuit. Ouais, bon bah ouais. Si ça peut te donner une idée du palais. C'est vrai que t'as un palais tellement bon. Ah oui, non mais c'est vraiment, il est au-dessus du lot. T'as pas de palais quoi. Ah ouais, non, c'est vraiment pas. Y'a rien quoi. Non, il a pas été. La fabrication, il y a eu un problème. Ça veut dire que tu peux bouffer des fleurs comme de l'herbe au final. Ça veut dire ça un peu. Ça peut vouloir être dit comme ça, voilà. Ouais. C'est triste, hein. C'était quand même deux fruits qu'on peut retrouver ensemble. Bon, ouais. Oui, je pense qu'ils sont différents. Mais après, si vous les avez cuits, est-ce que ça change les choses? Je ne sais pas. Il y en a quand même qui est quand même dans la famille des agrumes. L'autre pas vraiment. Oui, mais à l'état cru, je me dis... Ils peuvent être proches à l'état de texture et encore, même moi, tu m'en sers à l'état cru, pourquoi pas? Si après, c'est dans le même plat, est-ce que ça s'est mélangé? Bon, j'en sais rien. Non, mélangé, oui. Il n'y avait pas d'orange dans le plat, en fait. Non, c'est ça le pire. C'est séparé, ouais. Je sais pas comment tu peux c'est faire. C'est ça le pire. Ah, je sais pas. Bah, en ayant un palais comme moi, extrêmement pourrave. Bah, mange de l'herbe. C'est bon, l'herbe. Non, je suis pas un lapin. D'ailleurs, tu sais pourquoi l'herbe tondue, elle a une odeur un peu. Oula. Bah, l'herbe, quand on tond de l'herbe, tu sais pourquoi elle a une odeur un peu particulière? Vas-y. C'est pour prévenir les autres. On va dire c'est un réflexe pas animal, hein, vu que c'est végétal. Oui. Un réflexe végétal pour prévenir les autres herbes qu'il y a un herbivore qui nous mange. Sauf que généralement c'est la tondeuse, donc tu sais qu'avec les arbres il y a la même chose avec les racines aussi. C'est possible. Ça m'étonnerait pas du tout. Dans l'herbe végétale, il y a un certain nombre de signaux qu'on a découvert récemment quand même. Que c'est vivant déjà. Moi je vous parlerai de communication entre les arbres tout à l'heure. Ah bah comme ça. Et ben va falloir fumer un petit peu. Décidément. Mais peut-être qu'on peut le faire en musique à la rigueur. Mais c'est pas vrai, tu me coupes tout. Mais je te coupe pas. Si, j'allais dire, au lieu de fumer, on va peut-être écouter une musique. Bah non, on peut faire les deux. Ouais, bah avec Ian, All the Things musique, She Said. De c'est une reprise, ça. Oui, de T-A-T-U. Tout. Oui, qu'on va voir sur Indestar. Kevin, le plus geek des animateurs de PK Avenger, jusqu'à 23h sur Indestar. C'est le seul de l'émission à avoir une chaîne Twitch. Nous sommes sur Indestar, donc pour PK Avenger 2.0. Où forcément je suis le plus geek vu la concurrence que j'ai. Hein, Teddy ? Je suis pas totalement d'accord. Moi je suis totalement d'accord. Tu es peut-être le plus geek, mais je suis geek aussi dans l'âme. Moi aussi quand même un peu. Hein. Bon, toi tu y étais, c'est différent. Si j'y suis toujours, je ne peux plus pratiquer, c'est la différence. Geek c'est un état d'esprit. C'est avant tout un... Oui, voilà. Oui. Et puis on faux. Est dans Epic Avenger, on a tous l'esprit un peu geek. Et sinon vous êtes pas un peu radio parce que... Ouais, c'est vrai qu'on est je me demande ce que je fous là. Toi, t'es l'apprenti geek. D'ailleurs, Thierry, tiens, t'as parlé de radio, mais il y a un truc qui va toujours avec radio assez souvent. c'est les chansons quand même. Radiohead. La tête. Oui, aussi. Aussi, la... mais les chansons vont pas mal avec. Ouais, ça va. Mais... Ah ben, on est sur une radio musicale, si c'est oui, ça que pour tu nous, veux... oui. Oui, oui, oui, oui, je vois où il va en venir. Oui. Il prenait des chemins détournés pour ouais. dire. Il essayait de faire une transition Daniel, pour ton Daniel, sujet. Voilà, Daniel nous avait parlé de quelque chose ouais. au niveau des chansons. Moi, je donne 11 sur 20 sur cette transition foireuse. Ça va, je suis au-dessus de la moyenne alors. Bon, c'est allez, bon. Kevin, sois gentil. Annonce. Annonce le sujet foireux. Voilà. Bah, vu qu'on est sur un sujet fleurs, flore, tu vas nous parler de fleurs dans les chansons, non ? Oui, je vais vous mettre les fleurs en chanson, moi. Le monde alors. Entier est un cactus. On n'est pas sur les fleurs alors, de cactus, on pourrait être moi, sur les cactus. J'allais dire, toi qui as parlé de confiture de fleurs tout à l'heure, tu vas pas les mettre en pot. Non, non, je vais pas non plus chanter en yaourt. Et il va pas nous mettre en boîte non plus. Non, ça c'est sûr. Si, on chantera peut-être tout à l'heure, ça, à la rigueur. Seulement si t'es sage. Pas le dire. Ah, j'aime bien le peut-être. Si, après, ouais. après tout, je crois qu'on va le faire. Tiens, ouais, on va chanter. Tout, on se fait seulement charrier. Si vous êtes sage. Non, mais on se fait tellement charrier qu'on va aller pousser la bêtise jusqu'au bout. On hein. va chanter. Alors, ouais. non, autrement, on coupe le micro. Ouais, bah de toute façon, je parle tellement c'est fort vrai. Qu'on m'entendra avec les autres. Hein. C'est pas entièrement faux. Oui, alors les fleurs sont aussi dans la chanson au niveau de la pop culture. Oui. Par le oui. flower. Ah oui, power. Beaucoup. Par exemple. Les roses. Par exemple. Alors, j'ai dénombré. Je dis pas des noms. Démembré. Ouais. Il y a énormément chiffre de chiffres non exhaustifs. Complètement non exhaustif. Sur 163 chansons que j'ai trouvées avec des noms de fleurs, ouais. quel est d'après vous le nom de fleur qui revient le plus souvent ? La rose. Exact. C'est obligé. Ouais. Dans quasiment la moitié des titres sur 163, je l'ai trouvé 81 fois. C'est la fleur ouais. la plus populaire grâce à la rose, c'est symbole de l'amour. Hein, oui. Absolument. Ah oui, puis après, t'as plein de couleurs différentes. On pense à rose rouge, mais il y en a plein de ouais. différentes. Alors, je rappelle, la rose rouge pour la confiture, c'est la meilleure. Toujours le point bouffe. Hein. Toujours. N'oublie pas. C'était le point bouffe par Daniel. Mais ça me fait réfléchir. Je me dis, ah tiens, peut-être selon la couleur, on fait autre chose avec. Je me dis, tiens, on fait du parfum avec les roses roses, est-ce qu'on fait autre chose avec les roses blanches, peut-être qu'il y a des choses différentes peut-être ça, hein. oui, parce qu'on bah s'aperçoit ouais. qu'au goût j'ai... parce qu'en fait j'ai testé plusieurs couleurs de pétales de fleurs, souvent on les ouais. mange pas quand même voilà, ouais. c'est vrai qu'en règle générale et j'avais jamais le même goût hein. en vérité c'est possible. Et je vous déconseille carrément les bleus, les bien bleus, parce que alors là c'est pas totalement naturel hein. non. voilà, ouais, ouais. j'ai testé, j'ai recraché en fait hein. ouais. c'est tellement mauvais que... Alors, qu'est-ce qu'on retrouve aussi comme nom de fleur ? Alors, bon, Lila. Le mot fleur, oui. Alors, le mot fleur, on le trouve quand même dans 33 titres aussi. Ouais. Hein ? Mais autrement, oui, on va faire. Ah, j'ai oublié quelque chose. Bon, oui, parler dans ouais, ton micro. C'est mieux dans ton micro. oui, oui. Ah, il veut un crayon. Oui, ah. oui. Voilà. D'après vous, oui. Dans le micro. Voilà, alors attends. Il y a du mal à regarder la ouais. fleur. Ouais, non, mais le problème, c'est que je suis un peu trop grand. Et... Attends, je vais... bah. J'ai une idée. Voilà, alors vous l'avez pas vu mais il a descendu oui. oh, bah, il est passé sous la table. C'est pour qui la part de galette? Et comme ça je peux en même temps parler dans le micro et en même temps regarder ma feuille. Oui, puis être, et puis ouais. être allongé alors, pour te reposer en même temps. Tu as dit par ouais. exemple comme nom de fleur dans les Lila exactement. Sur mes 163 chansons, je l'ai trouvé 2 fois. D'accord. Ah merde, c'est okay. pas beaucoup. Non, pas beaucoup, mais il y en a plein d'autres encore ouais. Le cactus. Jasmin. Allô. Jasmin. Le jasmin, oui, il y est aussi. Lavande. Attends, doucement. Va pas trop vite. Doucement. J'ai tous les noms de fleurs qui ont ouais, passe par lui. Le jasmin, je sais qui y est, mais je le retrouve plus dans ma d'accord. liste. Mais je sais qui y était, oui. L'eucalyptus. Non, non, non, il y est pas. Ouais, non, c'est trop arbre. Dur. C'est un arbre, l'eucalyptus. Ah. Je sais même plus. Les cocules, les pissenlits. Je crois que t'as dit eh jasmin. Bah, ouais, tu rigoles, non, mais j'ai trouvé pissenlit dans ma liste, hein. Et tout à l'heure, on fera juste après un petit jeu pour trouver des chansons et vous serez étonnés de savoir qui a chanté les pissenlits. Alors après, il y a un nom de fleur qui est aussi un prénom très répandu chez les femmes, c'est Marguerite. Marguerite, exact, aussi, je l'ai trouvé 3 fois. C'est pas le nom aussi des vaches en pâquerette. Oui, c'est un nom très pâquerette, répandu. Oui, je l'ai trouvé oui, aussi qui est la petite Marguerite ouais. sauvage. Je l'ai trouvé aussi, pâquerette. D'accord. Vache. Clochette. Ouais. Non, non, non, non, les fées là, avec la fumée, ça va. Hein. Muguet. Oui, bah après, c'est ça, les clochettes, c'est le muguet, c'est le lilas. Je sais que j'ai trouvé le muguet, Là, je l'ai pas dans. Tiens, je l'ai pas noté. Bon, les jonquilles. Il y a Lys, les Lys, exact. Les jonquilles aussi. Les jonquilles, beaucoup en poésie aussi, britannique. Quatre fois, j'ai trouvé quatre fois les jonquilles, hein, quand même. Sur quatre fois les jonquilles. Sur le mes 163. Mais qui chante les jonquilles? Bah, ouais. C'est surtout ça la question. Je vous donne quand même la suite. Quand même. Dans le micro. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, mais dans le micro, j'aime. Oui. Alors, je vais encore. Il est encore en galère. Je vais modifier encore un peu la stalle. Ah ouais, après ça me fait loucher, c'est embêtant ça, cette histoire. C'est peut-être alors, pas le micro le problème. J'ai trouvé aussi. Ça y est, viens de réagir. Quand même une fois, alors j'ai trouvé donc Violette aussi, dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Les rhododendrons, les glycines. Ouais. Certes. Ouais. La barilis, les bégonias, le bouton d'or. Alors j'ai trouvé aussi plusieurs fois. J'ai trouvé deux fois les jacinthes, deux fois la lavande, deux fois l'edelweiss. Donc le lys deux fois, coquelicot deux fois, lida deux fois. J'ai trouvé trois fois la marguerite, deux fois l'iris, tiens, je l'avais oublié. Trois fois les magnolias. Magnolia. Quatre fois l'orchidée. Oui. Cinq fois le lotus. Six fois le tournesol. Ah, t'as regardé Tintin, là. Il y en a deux ensuite. Et j'ai trouvé sept fois la tulipe. Putain, alors la tulipe, j'ai été étonné. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Tu sais que ça sonne mieux en musique tulipe? D'ailleurs, il y a des vedettes. Pourquoi pas, ouais. Oui, tu voulais dire. Oui, je pensais en fait tout à l'heure quand vous avez demandé quelles plantes t'affectionnes, etc. Et j'arrivais pas à retrouver dans les fleurs que t'as dit l'amaryllis. Moi, j'ai toujours été étonné de voir pousser un amaryllis où tu vois le bulbe et puis t'as la tige qui monte, et après ça explose de fleurs et t'es obligé de mettre un tuteur parce que si c'est trop lourd, ça tombe et ça casse, mais ça devient une fleur énorme. C'était la fleur préférée de ma mère, d'ailleurs. J'ai toujours aimé voir ça pousser et se demander, enfin tu te dis, t'as un seul bulbe et t'arrives à un truc énorme. Je sais plus comment ça s'appelle, mais il y en avait dans le jardin ou ce qu'elle préférait. Et oui, l'amaryllis, d'ailleurs c'est bien, t'as dit un amaryllis, souvent les gens le prononcent au féminin et c'est un. En effet. Vous savez qu'il y a eu des noms de vedettes, de donner justement des vedettes de pop culture, de donner à des fleurs? Ou même à des insectes et tout ça. Non mais là, comme on est dans les fleurs... Je sais pas, une Rihanna? Non, alors, on va faire dans les roses d'abord, parce que... à part deux, j'ai trouvé que des roses. D'accord. Alors, il y a une rose Elizabeth Taylor. Ouais. Freddie Mercury. C'est qui Elizabeth Taylor? C'est une actrice, une vieille, tu connais pas. Ah ouais, t'es trop jeune. Ouais, t'es trop jeune. D'accord. Il y a Julio Iglesias. Vraiment? Ouais, qui a un nom de... Plus non, étonnant. Non. Alors, je vais finir le... Je voudrais une Julio Iglesias, c'est ouf. Il a un nom qui pique. Ouais, c'est ça. Lynn Renault, c'est pas étonnant. Charles Aznavour, bon... Pourquoi c'est pas étonnant, Lynn Renault? Bon, elle aimait beaucoup les roses, c'est pour ça. Je dis elle aimait, peut-être qu'elle est pas morte encore, je sais pas, je me trompe peut-être. Hein. Non, elle est pas morte, elle fait des tournages même par chez nous en tournant. Ouais, oui, c'est. Alors, excuse-moi, Lynn, je t'ai enterré trop vite, hein, désolé. Charles Aznavour, et plus étonnant encore, quand j'ai fait ma liste, c'est un chanteur, d'abord un rocker, qui a un nom de rose, qui est français. Hallyday. Un rocker français. C'est la même génération, oui, que Hallyday. C'est un rocker, ça? Renaud. Non, même génération que Hallyday. Ouais, c'est pas... Eddie Mitchell. Exact. C'est un rocker, ça? Ouais. Ah bah oui, bien sûr. Ah bon? Alors par contre, vous allez être surpris. Chante pas du tout. Il y a une iris du nom de la chanteuse Cher. Ouais. Et Lady Gaga, alors, c'est pas tout à fait une fleur, mais franchement, quand j'ai trouvé le nom, je me suis dit, il fallait que... Ouais, t'étais obligé de la mettre. J'étais obligé de mettre... Il y a une plante qui porte le nom de Lady Gaga. D'accord. J'étais sûr d'avoir vu une connerie de genre avec des chanteuses célèbres. Bah, comme ça au moins. C'est quoi du coup qu'elle a? Bah, une fougère. Une fougère. La Gaga. C'est vraiment une fougère, Gaga. C'est méchant, c'est méchant. Non, en plus, elle est bien. Mais. Alors, moi, je pensais à Radio Gaga. Mais. Pourquoi pas, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Bah, on a eu Freddie Mercury. Alors, on aurait pu avoir Lady. De toute façon, son nom, Lady Gaga, vient de Radio Gaga. Hein. L'histoire. Si, elle s'en est inspirée. Hein. Ah, je elle l'a dit. Alors, comme ça. Elle l'a dit peut-être après coup pour la petite histoire, parce que c'est vrai que c'était un peu joli, mais. Ouais. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Ah, je vous ai prévu un. Allez, on va dire un petit jeu, quelque chose sous forme de jeu. Ouais. Il y a. Je vous ai dit, j'ai trouvé 163 chansons, il y en a bien plus. Ouais. Mais il y en a peut-être une trentaine qui m'ont un petit peu marqué à cause, je vais dire, de leurs interprètes. D'accord. D'accord. À essayer de me trouver des interprètes qui ont interprété donc chanteurs, chanteuses, voire groupes aussi, hein, ouais. qui ont interprété des chansons avec des noms de fleurs. D'accord. Bah, Edith Piaf, La Vie en Rose. Oui, mais ça, c'était trop facile, donc je ne l'ai pas mis. Parce que nous, on est censé connaître les autres, par contre. Ah, il y en a, quand je vais vous dire les noms, bon, il y en a, Teddy ne va pas connaître, évidemment, mais ça, ça c'est pas étonnant. D'accord. Allez, vas-y, balance. Il y a des Français, il y a des Français dedans. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Glycine, mais c'est trop vieux pour toi, ça. Glycine. Le chanteur des Glycines, Thierry, ça te dit quelque chose. Sur le mur, il y avait des Glycines. Bernard alors, Lama. Vu sa tête, ça disait absolument rien. Bernard Lama. Ouais, Bernard Lama, oui, il avait ah ouais ça. Ouais. Même pas, jamais entendu parler. On va taper dans le plus jeune quand même. Ouais. Voilà. Hein. Christina Aguilera a chanté ouais. une chanson qui s'appelle le Lotus Intro. Attends, ça c'est le plus jeune. Non, j'ai dit qu'on allait arriver vers les plus jeunes, oui. pas le plus jeune. Et t'écoutes rien vraiment. Parce que c'est même pas notre genre. Alors, non, c'est pas faux. Il y a un vieux qui a sorti quelque chose récemment qui s'appelle Rod Stewart en 2018. Je me posais la même question. C'est un chanteur de la vague disco. D'accord. Ah. Oh putain, il y en a encore. Ils sont pas morts. Ouais. Attends, le disco, ça a méchant. Pas vécu genre 2-3 ans ça. C'est un petit peu plus. Ouais, putain, d'accord. T'enterres trop vite le non, disco. Mais, non, je veux dire, oui, voilà. C'est sa période disco. Bah, le disco Claude François, quoi. Les paillettes. Oui. Du coup, il a fait une musique machin Stewart. Et même à la télé, oh, ça oui. se voyait le disco. Alors, les couleurs, ouais, les textures. Alors. Oui, le disco, il y a eu ça. Ça a fait suite aux paillettes du début des années 70, en effet. Donc la chanson, c'était Rose Rouge de Sang. D'accord. Bah alors, on va faire quand même des choses beaucoup plus connues. Les Rolling Stones. Oui, mais alors, ils ont fait tellement de chansons. Ouais, alors, c'est ça. Je suis sûr que je les connais. Tu vois. Est-ce qu'on connaît les titres, c'est bien, t'es dit. Qu'est-ce qui. Eh bah justement, tout à l'heure. Par le Flower Power. Non. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une chanson, vous allez être étonné de savoir qui l'a chantée. Eh bah, c'est elle. C'est elle. Ils ont chanté une chanson qui s'appelle Pissenlit. Alors, sur un album, ça doit être pour compléter, pour qu'il y ait assez de titres. Pissenlit en anglais, ça donne quoi, ça ? Pissenlit, peut-être. Je sais pas. Je ne te dirai pas. Bon, ça date de 67. Pissenlit ? Ça date de 67. C'était le début de leur carrière. Ouais. Enfin, un peu plus du début. Donc, on va leur pardonner. D'accord. Là, le nom du chanteur, vous allez peut-être pas vous en rappeler. David Lirotte. Liros, pardon. Non, c'était le chanteur. Je te confirme. Alors là, c'est le chanteur de Van Halen, groupe de hard rock. Alors ouais. Ça me dit quelque chose. Ça, c'est groupe oui. de hard rock quand même, qui lui a chanté La Rose Yankee. Allez, Yankee. Le pissenlit en anglais, c'est Dandelion. Ça pourrait se prononcer Dandelion si on le lisait à la française. Dandelion. Ah, mais c'est vachement classe, Dandelion quand même. Mais oui. C'est vrai que pissenlit comparé à Dandelion. Dandelion, c'est un truc qui est utilisé en pop culture pas assez souvent. Alors que. Alors, on a aussi les rappeurs comme Drake. C'est surprenant. Ah bon. La Rose de Sandra, alors c'était peut-être sa copine, peut-être. Sa chienne, je sais pas. Mais bon, voilà. Je l'ai jamais vu avec un animal. Non. C'est méchant. Il y en a qui ont une copine et qui l'appelle. Enfin bon, bref. Tu as parlé tout à l'heure de Radiohead. Oui. Et ben ils sont sur la liste aussi. Ah ouais. Oui, mais alors se rappeler comme ça. Ah oh, c'est un peu oui. compliqué, hein. Oui, ils je te ont confirme. Chanté, alors, Fleur de Lotus, c'est pas Tintin, mais c'est Radiohead, Fleur de Lotus, c'est pas le Lotus bleu non plus à Tintin. Donc, d'accord. Oui, il y a quand même beaucoup de monde qui s'y sont mis. Alors, parmi les aussi les groupes un peu speed quand même, pas trop. Ouais. Pas trop quand même. Pas trop, c'est mais un peu. Roxette, début des années 90. D'accord. Qui nous a chanté... Là, je vais peut-être avoir besoin de traduction. Fading like a flower. Fading, c'est un terme de cinéma. C'est le fondu, vous savez, quand ça apparaît voilà. ou quand ça fane. Hein, c'est oui. soit d'accord. le début, soit la fin. Je pense que là, ça doit être la disparition. Faner comme une fleur. On peut le traduire comme ça, peut-être. Probablement. D'accord. Et surprenant, Sting. Pas si surprenant. Lui, ouais. il est très dans le love, hein, un peu. Oui, ce que j'ai entendu. Peut-être pas surprenant. Lui, c'est vrai qu'il se, il est très militant, je crois, de la cause écologiste ou quelque chose comme ça, je crois. Il est pour qu'on arrête de fumer des fleurs. Ouais, bah, je sais pas ce qu'il a fumé, mais lui, il a fumé une rose du désert, hein, en tout cas. D'accord. Hein. Donc, vous avez d'autres idées de... Non, il n'y a rien qui vous passe par... Cactus ! De toute façon, oui, du tronc sur les cactus, oui. Mais bon, les cactus, ça peut être une fleur. Non, c'est... Alors, non, c'est vrai. Ça, ça c'est peut fleurir, mais... C'est une plante. Oui, mais non. Le thème, c'est flore, c'est pas plante. Non, c'est alors, pas ce que je vous propose... Je m'assois dessus. C'est vrai. Ce que je vous propose, c'est qu'il y en a des très évidentes que vous n'avez pas trouvées. Ouais. Alors... On va essayer de trouver les pas évidentes, du coup. Oui, mais pour plus tard. Ah. D'accord. Je vous parlerai donc, il y en a quelques-unes d'évitantes que j'ai mis de côté et que je pensais que vous alliez trouver. Après avoir goûté quelques champignons magiques, c'est on va ça, peut-être retrouver la... On sera plus. Donc, moi, je vous propose d'arrêter un petit peu là. Ouais, on fait une petite pause. On va faire une pause. Mmh. Et de me retrouver, mais plus tard, pas tout de suite, beaucoup plus tard. De se retrouver avec ces chansons. Alors, certaines peut-être moins connues de Teddy qui connaît pas les vieux trucs. Ouais. Déjà, qui connaît pas beaucoup les chansons. Bah, non, c'est compliqué, ouais. Voilà, mais quand même des chansons qui ont marqué l'histoire avec des noms de fleurs. D'accord. D'accord. Bah, ça, c'est. C'est juste après la musique. Matt Hood, With You. Avec qui? With You. Avec qui? Bah avec Indestar. Peck Avenger, c'est comme... Dans Naruto. Mais en différent. Alors, je suis pas totalement sûr qu'il y ait des fleurs dans Naruto quand même. Des jutsu à base de fleurs, donc des techniques. Eh ben... Écoute, je serais pas surpris qu'il y en ait, tu vois. Vu que bon, le premier truc qui me vient à l'idée, c'est le bois d'Hashirama, mais c'est pas... C'est pas des fleurs. Voilà, bon, c'est vrai que c'est des végétaux, non? On va pas se mentir. Des végétaux. Oui. Des végétaux. Apprends à parler français. Ça fait saigner les oreilles. Ouais, c'est ça. J'aime bien faire saigner les oreilles sur Indestar. Oui. Et après, sur Indestar, vu que t'aimes bien faire saigner, on va avoir les champis de Thierry. Oui, on va fumer après avoir saigné. Ça va saigner. C'est ça, ouais. Ou saigner de l'intérieur, parce qu'il y a certains champignons, ça n'avait pas des. Ouais, très c'est bons pas des... Oui, des lecteurs. C'est ça. Ce qui est fascinant avec les champignons, c'est qu'ils peuvent vous nourrir, mais ils peuvent vous tuer aussi. C'est le paradoxe, c'est de savoir à chaque fois que tu es face à un champignon, est-ce que je connais suffisamment de choses pour pouvoir le goûter. Alors, ouais, c'est ça. Je tiens quand même à relever l'air de Thierry. Le paradoxe avec les champignons, ils vous mettent tout de suite en garde. Attention, hein. Vraiment, là, c'était... Manger, tu peux être... C'est ça. Ce qui est génial, c'est que une des fonctions des champignons dans la nature, c'est quand même de digérer. Oui. Et donc, c'est soit toi qui le digère, ou c'est lui qui le digère. Ouais. C'est vrai. Et, tu l'ingères et c'est lui qui te digère, c'est un peu dommage. C'est pas fou. Tu te fais digérer de l'intérieur, en quelque sorte. C'est ça. Et, oui, mais de toute façon, on en a tous à l'intérieur. Les champignons, c'est tellement une grande diversité de choses. Hein. Ça va des levures, si vous voulez, pour aller au plus petit et qu'on utilise. Pour beaucoup de choses, on fabrique de la bière par exemple avec des levures, du pain et plein d'autres choses. Et après, jusqu'aux champignons qu'on connaît, la partie supérieure hein, qui sort de terre, qu'on consomme ou qu'on consomme pas, ça dépend. Oui. Et méfiez-vous quand vous voyez que des insectes ou que certains êtres ont commencé à bouffer les champignons, ils meurent. C'est pas forcément que vous êtes aussi immunisé qu'eux. Hein, ouais, c'est pas forcément une bonne chose. Ne vous fiez pas au fait que le champignon soit abîmé. Hein. Par contre, j'étais en train de penser à un truc. La partie qu'on voit d'un champignon, parce qu'effectivement, en fait, les champignons, nous, on est toujours habitué à voir un pied puis une corolle. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, la partie supérieure. Si, c'est une corolle. Je sais plus. Disons le Mais chapeau. C'est qu'une petite partie du champignon. Ça s'appelle la fructification du champignon. Ça s'appelle le carpophore. L'ensemble du pied et du chapeau, hein, c'est le carpophore, et tu as le mycélium qui est la partie inférieure et qui est quelque chose de très intéressant dont on parlera un petit peu plus tard puisque j'ai regardé un documentaire sur ça et c'est un véritable réseau. D'ailleurs qu'un scientifique a nommé des 3W comme on a les 3W World Wide Web, mais ça sera autre chose. On en parlera un peu plus tard. C'est vrai. de... Alors là, on est scotché en apprenant tout ça. Là, maintenant, bah, on va apprendre des choses. On apprend des choses sur PKVNJR. On apprend toujours des choses, même. Et là, on va traverser un peu la littérature, si vous voulez, littérature et cinéma, parce que beaucoup d'œuvres de littérature ont été adaptées au cinéma. Donc vous allez peut-être, vous les jeunes, vous retrouvez les choses à travers peut-être plus les adaptations que vous avez aujourd'hui que par rapport aux œuvres originales qui datent de la littérature de Mathusalem, etc. D'avant. Voilà, après il y a des noms, je veux dire, même si vous ne connaissez pas les œuvres, vous avez forcément entendu le nom de Corneille, un poète. Non, mais attends, excuse-moi Thierry, excuse-moi. Déjà que j'ai cité des chanteurs que Thierry ne connaissait pas, alors veille parler de Corneille. Il était en train de parler de Corneille d'ailleurs. Et si vous avez entendu Corneille, vous avez entendu le Cid peut-être comme titre. Voilà, il a entendu le Cid, il n'y a pas de problème. Mais après, peu importe, c'est juste en fait pour. C'était pour commencer sur un petit poème qui parle de champignons. D'accord. Je vous le lis pas en entier, sinon vous allez tomber. Mais juste un petit passage en fait qui définit le champignon. Alors, c'est un poème qu'on prête souvent à Corneille, qui s'appelle Le Champignon, mais en fait on dit bon, peut-être pour le faire connaître, on prête à Corneille, mais c'est peut-être quelqu'un d'un peu moins connu. Mais peu importe. À Corneille, mais c'est pas la même c'est pas lui. Parce qu'on vient de loin là. Comment ça s'appelle? Faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier, parce qu'on vient de loin. Hein, c'est ça. D'accord. si c'est pas lui, je suis triste. Mais après, ça, est-ce que c'est simplement son nom de scène et ce qu'il a pris par rapport au poète? Je ne sais pas, mais parce que ce qu'il écrit est aussi très poétique. Bon. Bref, vous pourrez lui demander si vous le retrouvez. D'accord. Corneille, si tu nous écoutes, s'il te plaît. Petit poème sur. Puis après, si quelqu'un a la réponse, faut pas qu'il hésite à nous appeler au 09 70 407 306. Oui. Pour qu'on ait également la réponse. Absolument. Plante, une corneille, c'est aussi un oiseau. Plante, fruit, mets délicieux, rare excrément de la nature, dont le trépas est glorieux et dont l'origine est obscure. Recueille des plus douces saveurs que pour résister au malheur auquel ta faiblesse t'oblige, ton corps blanc, délicat et molle, de l'extrémité de sa tige se fait un joli parasol. Bon, je ne comprends pas tout, mais il y a des choses, des références excréments, etc. Des références, ouais. Il y en a qui sont pas folles. Eh oui, mais sur quoi ça pousse le mieux, les champignons? Le sol. Sur la merde. Et oui, et il y aura quelque chose de très important qui nous, l'être humain, nous a profondément modifié par rapport à ça. Nous en parlerai tout à l'heure. Par rapport au documentaire où on apprend, pour si on ne le sait pas d'avance, qu'il y a beaucoup de champignons effectivement comme il décompose, il digère un petit peu toutes les matières. En fait, il suffit qu'il y ait du carbone et que ce soit humide et ça décompose. Donc, ça peut décomposer à peu près tout. Mais que ça pousse très très bien sur les excréments. Et en fait, vous verrez quel type de champignons on a été amené à consommer, ce que ça a produit dans l'être humain. C'est super intéressant sur théorie de l'évolution. D'accord. Mais là, on revient par exemple au conte de fées. Vous connaissez un peu tous ce que c'est qu'un conte de fées. Et on retrouve en fait le champignon comme un accessoire plutôt fréquent et voire indispensable dans les contes de fées. Ça peut servir tout simplement à planter le décor, à établir le contexte. Ça sert beaucoup comme ça. Mais on utilise aussi le chapeau qui sert de table pour les fées. En fait, elles se rassemblent autour d'une table qui est un chapeau de champignons. D'accord. Voilà. Ou alors le champignon, c'est carrément la maison avec les schtroumpfs. Oui. Alors ça sera donc pour la partie BD en fait. Si vous voulez venir tout de suite, c'est surtout la BD belge en fait qui a tendance à exploiter le champignon. Moi je me suis demandé un peu pourquoi, mais je me suis dit tiens, c'est vrai qu'on fait pousser pas mal de champignons dans les pays du nord. Est-ce que après ça inspire, à partir du moment où on en est entouré, qu'ils soient sauvages ou les champignons de couche, quoi, on en importe aussi beaucoup. C'est vrai qu'on en a moins en Afrique, du coup c'est ça marche moins bien. Mais effectivement, on a les Schtroumpfs, on a le dictateur et le champignon de Franquin et l'étoile mystérieuse d'Hergé en fait, où il y a des champignons. Ah oui, ils viennent géants, ça me revient. Les champignons, ils sont géants, ils explosent, c'est ça? Et ils ont copié sur un jeu? Ou c'est le jeu qui a copié dessus? Ah non, c'est vieux, l'étoile mystérieuse. Alors c'est Mario qui a copié. C'est peut-être plus vieux que moi alors. Vous vous rappelez pourtant, c'est dire. Comment s'appelle l'auteur des Schtroumpfs au passage? Peyo, oui. Bien sûr. Vous allez le dire. Donc les champignons servent d'habitat, évidemment, à ces petits personnages. D'accord. Qui peuplent les forêts. Ouais. Qu'est-ce que vous rappelez à propos des schtroumpfs d'ailleurs? Ils sont bleus. Ouais. Que moi, j'en ai jamais vu au pied d'un champignon. Ils sont bleus, puis il y en a quelques-uns qui se distinguent. En fait, chacun a son caractère, représente un schtroumpf farceur. Mais moi, je sais qu'à chaque fois que je vais cueillir des champignons, je regarde autour s'il y a des schtroumpfs, j'en vois jamais. Ouais, tu veux surtout voir la schtroumpfette, hein. Bon, elle est trop petite. Hein. Mais ils sont comme un peu comme dans un paradis. Il y a quelque chose qui menace cet équilibre, ce paradis, Gargamel. Ouais. Et alors, en fait, les schtroumpfs ressemblent aussi à des champignons quelque part avec leur chapeau. Des champignons. La plupart dont on se rappelle sont des mâles, sont des hommes. Mais oui. En fait, il y a aussi quelques personnages féminins. Oui. Est-ce que vous vous rappelez? Il a été créé par Gargamel. Alors la schtroumpfette, voilà, qui a été mise par Gargamel pour créer la zizanie, en fait, hein, pour qu'il puisse les... tellement sexiste. C'est tellement ça. Pour qu'il soit attiré par elle, puis qu'il puisse les capturer. Après, je me rappelle plus ce que j'avais trouvé parce que... Il y a les schtroumpfets qui créent après... Et il y a des personnages féminins dedans. Ouais, alors oui, j'avais... Il y a un village de schtroumpfettes après. Je crois que j'ai lu qu'il y avait trois personnages féminins en total, mais je me rappelle plus exactement. Mais enfin, personnages qui apparaissent moins. Enfin, dans ceux qui sont créés par Gargamel. Je crois que les villages, t'as raison, c'est comme en Indre-et-Loire. T'as les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. T'as homme, c'est la ville d'homme, et puis la ville aux dames. Je sais pas, mais dans les après, c'est dans les schtroumpfs récents. La ville aux dames, où les habitants s'appellent les Ginépolitains. Vous saviez pas ça? Non. La ville aux dames dans le 37, donc dans l'Indre-et-Loire, où il y a quasiment que des rues de noms de femmes. En tout cas, je pourrais être allé dans un quartier où je connaissais des gens. C'est vrai qu'il y avait plein de rues d'auteurs féminins. D'accord. Plutôt cool. Les Ginépolites, hein. Eh oui. Ça, c'est très moche, mais. Et un nom de comme ça d'habitant d'une ville, ça s'appelle un gentilé, si vous voulez savoir aussi. Parce que quand j'ai fait ma thèse, il y a quelqu'un qui a fait une thèse sur les gentilés, c'est-à-dire les noms qu'on donne aux habitants d'un patelin. Ouais. On est tous des gentilés, du coup. Donc on a tous toi, t'es peut-être un gentil. Elle est peut-être Léo aussi, ça c'est. Bon, bref. Alors, revenons-en à nos champignons. On a été au conte de fées au début, on est passé à la BD, mais c'est pas bien grave. C'est de la littérature. Oui, la BD, c'est de la littérature. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors oui, il y en a dans plusieurs pays, évidemment. Et que peut-être certains connaissent la description du banquet d'Oberon dans les Hespérides. Alors, les Hespérides, c'est assez connu pour ceux qui font de la littérature. Donc il y a une description sur un champignon, la table étant mise, la prière dite, on place le pain. Ah tiens, on parle de pain. Sandwich aux champignons, tu crois? Non, oui, non, c'est pas ça. Ah, on aurait pu parler de recettes aux champignons. Hein. Omelette aux champignons, c'est tout simple, c'est très bon. Mais après, il y a plein d'autres choses. C'est vrai, omelette aux champignons sur du pain beurré. Bon, bref, je te laisse continuer avec tes champignons. Revenons-en avec nos champis. Dans d'autres contes de fées, notamment en Angleterre, on trouve, par exemple, sur une tête de champignon, nous mettons notre table. Tout ça pour confirmer qu'il y a beaucoup de contes de fées, en fait, où le champignon sert de table. Bon. D'accord. Beaucoup de légendes qui sont associées, alors cette fois-ci, au mycélium, donc la partie inférieure, hein, qui est invisible. Hein. Ouais. Associés aux sorcières, et donc non, ça, aux aspects surnaturels, il y a un côté mystérieux associé. Il y a un côté vraiment aux champignons. D'accord. On en trouve chez Shakespeare aussi. On en trouve dans les Joyeuses Commères de Windsor. Le Songe d'une nuit d'été, ça c'est Shakespeare. Mmh. La Tempête aussi. Ouais. Macbeth. Enfin voilà, il y a pas mal d'œuvres de Shakespeare qui on le trouve dans beaucoup de ses œuvres. Les champignons. Voilà. D'accord. Les associations donc entre les champignons et les fées sont particulièrement présentes aux îles britanniques. Et elles auraient une origine celtique liée aux croyances et aux pratiques. Voilà, liées aux fées. On croit beaucoup. Dans les îles britanniques, ils ont des associations. Tu disais non, on dit que par association, ouais. En fait, si tu veux, c'est lié à leur croyance. Ah, ils associent, d'accord. Je crois voilà. que c'était ouais. des associations, genre le 1901, c'est pour ça. Non. D'accord. Et après, peut-être connaissez-vous les cercles de pierre, qu'ils soient en Irlande ou oui. peu importe, et donc on les associe ouais. aussi. Aussi par là. D'accord. Donc c'est dans le folklore, voilà. Dans la fiction, on trouve des champignons bien présents dans les aventures du baron de Munchausen. Donc c'est assez ancien, 1785. Mais moi, je sais qu'il y a eu une adaptation qui passait à la télévision quand j'étais plus jeune. Il n'y en a pas eu une au cinéma assez récemment ? C'est possible parce que c'est très. Je dis récemment. Ouais. Peut-être pas il y a 2-3 ans, mais. Sinon, pour les grands auteurs de fiction comme H.G. Wells, il y a Les premiers hommes dans la Lune, 1901, pour signifier la bizarrerie de la végétation. Ouais. Les héros marchent sur des fongosités qui se déchirent comme de minces vessies en répandant une sorte de jus visqueux. Ouais, ils doivent marcher sur les champignons, puis ça les écrase un peu. Vous savez, comme les vestes de loup, quand elles sont mûres, ça c'est tout pourri. Ouais. Et puis au bout d'un moment, ça devient de la poussière. Ouais, champignon blanc. Ah, nous avons un appel. Un appel. Pareil. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Oui. Vous êtes bien sur Indestar. Que puis-je pour vous ? C'est Océane. Ah, c'est Océane. Océane ! Elle n'a pas pu venir, oui. Mais elle a pu se téléporter. Non, bah non, je suis sur tour, je n'ai pas pu venir ce soir, malheureusement. Je suis déçu quand même. Je suis un peu triste. Ah. Bah, on a pensé à toi. C'est vrai ? C'est marrant parce que j'allais parler de voyage au centre de la Terre, peut-être que tu y es. Nous sommes dans le centre de la France, non, pourquoi pas le centre de la Terre ? À l'instant même, il était dans la Lune, alors peut-être que tu y es aussi, je ne sais pas. Alors, Océane, t'avais quelque chose à dire ? Non, je vais vous faire un petit coucou, mais je pense que je viendrai lundi, je pense. Ah, tu viendras lundi dans l'émission Starter, pour le coup ? Ouais. Le lundi ouais. de 21h à 22h, pour ceux qui savent encore. Elle trahit PK. Ouais. Qui ça ? Océane ? Ouais, c'est vrai. Non, mais elle va partout. Oui. Dès qu'il y a de la lumière, elle y va. Mais oui, je suis dans PK, je suis dans ActuSolid, je suis dans... C'est vrai qu'elle meurtre. ActuSolid, c'est quand déjà ? C'est le mercredi de 21h à 23h. Oh, c'est beau. C'est... Ouais, c'est vrai. Et c'est sur quelle radio ? C'est sur Indestar, bien sûr. T'as vu ? C'est quoi ce vieux piège ? C'est un espèce de ni oui ni non. Ouais, c'est non, ça. J'ai une question. Le slogan, hein, c'est sur Indestar, j'ai une question bien sûr. Pourquoi, pour toi, Océane. T'as une fleur préférée ? Moi, j'aime bien les roses rouges. T'aimes bien les roses rouges ? Ouais. T'es romantique, toi. T'aimes bien quand on te les offre ou tu aimes bien les offrir ? Ou les manger ? Oh, j'aime bien quand. On peut pas les manger, les roses. Oh, bah, si, c'est que t'as raté le début de l'émission. Je te conseille d'écouter le podcast. Ouais, pour le coup. Ouais, je vais l'écouter. Ouais. Écoute le podcast sur indestar.fr ou sur. Spotify, Deezer. Voilà. Podcast mais bah, si t'es pas sûr, on va insister sur une des stars. Ouais. Ouais, c'est plus simple qu'il y a toute la liste. Et tu verras que les roses, ça se mange parce que l'humain peut manger. Il mange certaines vraiment fleurs, beaucoup de choses. Certaines fleurs, pas toutes, hein, quand même. Ouais, comme certains champignons. Mais il y a des fleurs qui sont meilleures que d'autres. Hein, des roses, je veux dire, qui sont meilleures que d'autres. Ouais. Et on te remercie d'avoir appelé, Océane. Bah, de rien, puis bonne émission à vous. Hein. Et merci. Toi aussi, à très bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir, Océane. Au revoir. Et ça, c'est ce qui peut arriver sur Indestar si vous appelez au... J'ai oublié le nom. 09 70 407 306. Il a oublié le nom. Comment on peut oublier le nom d'un vous numéro ? Vous pouvez passer à la radio quand vous voulez. Oui. Il suffit juste... Ah, il a dit non, c'était un ni oui ni non. Il a perdu. Il suffit d'appeler au moins 5 fois pour que je puisse avoir l'appel. Et encore, le pire, c'est que c'est pas lui qui les voit souvent. Si, là, je les ai vus, mais bon... Oui. Théo, notre cher animateur de Starter, l'a vu aussi. Donc bon... Mais bon, oui. Océane, on ne l'a pas loupé. Allez, merci. Bien, pour les grandes œuvres dans lesquelles on trouve des champignons, notamment géants, Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Ouais. Et vous avez le Peter Pan de J.M. Barrie de 1904. Vous avez le Capitaine Crochet aussi. Je peux juste dire deux mots sur le Peter Pan de J.M. Barrie. Qui n'a strictement rien à voir avec le Peter Pan de Disney, là, qui nous met une sauce très gentille, Peter Pan, c'est... Non, ça n'a strictement rien à voir, je vais presque dire que c'est le contraire, le Peter Pan de J.M. Barrie, c'est un truc assez sombre, quand même, je peux dire. D'accord. Ouais. Certes. Et donc, tout à l'heure, on disait qu'on allait parler d'Alice au Pays des Merveilles, on y arrive. Ouais. Alice le champignon. Alice le champignon. Daniel, non. Non. Faut que tu sois sage si tu veux être aventure initiatique. En fait, Alice, elle, à un moment, elle arrive devant un grand champignon et puis dessus, il y a un ver à soie, enfin, ou une chenille. Pour certains, c'est un ver à soie, pour d'autres, c'est une chenille, peu importe. Qui est en train de fumer et qui lui dit, sans lui préciser les choses, un côté vous fera grandir et puis l'autre vous fera rapetisser. Mais elle dit un côté de quoi et elle devine que c'est le champignon parce qu'il n'y a que ça, en fait, de visible. Mais d'accord. Elle se dit, oui, mais je dois commencer par où parce qu'un champignon, c'est rond, c'est quoi un côté de champignon? Et en fait, bah, en prenant un bout, elle devine que de l'autre côté, à l'autre extrémité, ça fera l'effet inverse. Et donc, elle prend deux bouts de champignon et elle les teste pour savoir lequel lui permettra d'être à la taille de la petite porte pour passer à l'intérieur du Pays des Merveilles, etc. Et elle apprend à doser. Et au début, elle manque de disparaître parce qu'elle a consommé un trop gros bout qui l'a fait devenir minuscule. Et aussitôt, elle se jette sur l'autre bout. Mais en fait, elle va finir par contrôler les choses pour pouvoir à la fin s'échapper du réussir à bien revenir. Est-ce qu'on peut considérer qu'à partir de ce moment-là, avant même qu'elle goûte, elle était déjà foncedée à cause de la fumée du verre à soie? Ça peut. Mais on peut interpréter de plein de manières, sauf que je peux vous dire, moi j'ai fait une thèse par rapport à ça, mais j'avais pas forcément trop réfléchi, sauf que je me dis, ah mais je comprends maintenant pourquoi après toutes les logiques sont inversées, il y a plein de choses bizarres, mais en fait, bon, on arrive à expliquer si on veut, mais on se dit, ben, après tout, si elle a consommé un champignon hallucinogène, c'est normal qu'après... Des lapins avec une montre. Des trucs pas très normaux. Alors le lapin l'avait déjà vu avant, hein, puisque lapin aux champignons, c'est très bon. C'est ce qui la guide. En fait, elle suit le lapin dans son terrier et c'est ça qui l'a fait. Je le regarde encore une fois parce que j'ai toujours pas compris. Moralité, ne suivez jamais un lapin dans son terrier. C'est donc à la base c'est un texte, hein. ce n'est pas le Walt Disney qui mélange d'ailleurs deux livres différents. Il est coquin Disney, après Peter Pan. Oui. Il change tout. Hein. Ouais. Voilà, la BD, on l'a faite avant, donc voilà. Moi, je voulais juste vous donner un petit aperçu, puis voir si ça vous évoquait des choses. Et puis je reviendrai un petit peu plus tard. Je reviendrai sur Indestar. En parlant de champignons qu'il faut grandir, il y en a un qui est assez célèbre, hein, c'est notamment dans Mario. Oui. Mario, il y a un champignon, c'est connu de toute façon. Mario, quand il mange des champignons, il grandit. Il grandit, oui. C'est très étonnant. Oui, il y a mais il y en a même un qui peut le faire rapetisser. Il y a plusieurs champignons et il y en a qu'il faut mieux pas consommer pour être handicapé sur le parcours et d'autres qu'il faut attraper. Bon, il y en a plein de choses. On peut donner des indices là-dessus, je pense. Premièrement, sa couleur. Si elle est trop vif, c'est pas bon signe. Comme beaucoup de choses d'ailleurs dans la nature, si c'est trop vif comme couleur, c'est pas cool. Bon signe. S'il a des petits points de style souvent blanc, on va c'est pas se mentir. C'est qu'il a la rougeole. C'est que... Non, c'est pas la rougeole. C'est une abadie de tumouche. Alors souvent, c'est une abadie de tumouche, mais pas que. Hein. Il y a plein d'autres champignons qui ont des petits points. Souvent, ils sont pas très comestibles, ceux qui ont des petits points. Pourquoi, je ne sais pas. Les pois, c'est pas bon. Parce que c'est comme ça. J'ai toujours dit à ma prof de français, je mets pas beaucoup de petits points sur ma rédaction parce qu'elle va pas être très comestible après. C'est vrai. Est-ce que t'avais vraiment besoin de pas les mettre pour qu'elles ne les soient pas? Surtout pas être digeste, quoi. Ouais, c'est ça le truc. Après, il y a l'odeur aussi. S'ils ont une odeur, en règle générale, sans les cuisiner, sans rien, c'est pas bon signe. Généralement, les champignons, avant de les cueillir, ils sont assez neutres. Oui, parce que les mousserons, les petits champignons qu'on trouve dans les vignes, ça, c'est très parfumé. Hein. Ça sent. Je connais pas les mousserons. Ce sont des tout petits champignons qu'on trouve généralement en paquet. On fait des omelettes Ils sont marron clair. Moi, je fais avec les trompettes de la mort, les omelettes. Mais... C'est le faux mousseron. En fait, c'est le faux mousseron, le nom. Parce que le vrai, c'est le tricolore de la Saint-Georges. On est vachement clair. Et alors, je vous dirais, c'est ce que je vois. Étymologiquement, c'est intéressant, mousseron, parce que ça vient de mousse qui pousse dans la mousse à la base. Et ça a donné. Après l'anglais, mousseron. Vous voyez, c'est un dérivé. Voilà. Je ne sais pas toutes les choses, toute l'étymologie, mais je sais ça et je trouve ça assez intéressant. Effectivement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la musique, j'imagine. C'est la musique, oui, sur Indestar. Ouais. On va voir By 52, Fix You, Remix. Le jeudi soir, 21h, passez au niveau supérieur. PK Avenger, level 2. Nous sommes sur Indestar, donc pour PK Avenger 2.0. Oula, Teddy. Non, t'as rien entendu. Non, d'accord. On n'a rien entendu. C'est pas comme si le jingle avait recommencé deux fois. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est marrant, tiens, que t'aies mis un jingle niveau 2, vu qu'on va aller faire un tour dans le monde des Pokémon maintenant. Level 2 unlocked. Yes. Ouais, of course. Yes. Ouais. Ton Pokémon évolue. Wow, oui. Dis donc, ils ont fait des progrès en anglais, ces deux-là. Oh, eh ben. Oh, je fais des efforts quand même. Et c'est vrai que dans Pokémon, des champignons, il y en a pas partout. C'est des B plutôt. Ouais, mais il y a aussi des Pokémon champignons. Oui. Je pense à Chapignon par exemple. Oui. Un peu trop facile. Ouais. Un peu trop facile, j'avoue. C'est ultra simple, ouais, ça. Mmh. Toi, t'as bu du champimi. T'as Parasect aussi. Oui, Parasect, Paracool. Aussi qu'on a. Paracool. Oui. Non, pas Paracool, mais sa petite évolution à Parasect. Oui, Paras. Paracool, oui. C'est un singe. Rien à voir avec les champignons, mais heureusement. Oh, le fail. Est-ce que l'évolution Parasol, c'est un Pokémon? Parasol, je crois pas. Non. Mais peut-être qu'un jour, il y aura un Pokémon Parasol. Alors, ça va. Remarque, vu où ils sont partis, des fois. Non, parce qu'aux îles Hawaii, le Parasol, c'est indispensable. Hein. Bon, je vais dire dans les dernières générations, mais c'est plus trop les dernières, la sixième, mais t'as un trousseau de clés. En Pokémon. Ah, Trousselin. Oui. Il pète les couilles, je déteste. Ah ouais, Oui, il est nul à chier. Oui, mais donc on va retourner au niveau des baies. Une baie dans Pokémon, donc c'est un objet qui peut être acheté ou planté en fonction, qui peut servir à soigner son Pokémon. Donc par exemple, vu qu'il y a 6 problèmes de statut, ce qu'on appelle des statuts dans les jeux. Donc la paralysie, la confusion, la brûlure. Ce serait vachement utile pour les humains aussi. Ouais. Si t'es paralysé, de surtout manger. Surtout si t'as les 6. C'est ça. Donc paralysie, brûleur, confusion, sommeil, empoisonnement. Et le dernier. Alors, pour les champignons, l'empoisonnement, c'est bien aussi, oui, en effet. Oui. Ah ouais, c'est vrai. Et le dernier, alors je. Le dernier, nous allons savoir. Non mais roulement de tambour. La Kevinoïd. La Cherchoïd aiguë. Là, je ne trouve pas mon nom. C'est pas que 5, de toute façon. Non, j'en ai 6, donc. Paralysie, sommeil, empoisonnement, brûlure, gel, confusion. Voilà, c'est bon, j'avais 6. J'avais oublié le gel. C'était le gel. Et pourtant, à la bonne époque. Hein. Actuellement, ouais, ça peut être utile. Ouais. Et donc, il y a 6 baies. Donc, pour la paralysie, c'est la baie cerise, qui, elle, est... On sait pas pourquoi c'est la cerise, par contre. Non, non, c'est, y a aucune raison valable. C'est. Y a un noyau dans la cerise. Je sais pas, j'ai pas demandé à mes Pokémon. Ils mangent la queue de la cerise aussi. Et ben, j'ai pas demandé non plus. Écoute, la baie cerise ressemble aux vraies cerises. Oui, en vrai, ça, hein. C'est vrai, ça. Ouais, pour le coup. C'est pas une baie que moi personnellement je joue, vu que je trouve que la paralysie c'est. Bon, c'est gênant, mais c'est pas le plus problématique. Bière. Ouais. L'océan. Ouais, c'est ça. Mais. Donc, profitez-en, vous avez. Bah, vu que je parlais tiens, d'une baie que je jouais. Moi, la baie que je joue le plus, c'est la baie Kika. Parce que tu joues avec les baies ? Bah, pour soigner de la confusion, des conneries du genre, oui, ça peut être utile sur certains Pokémon. Et baies ? Vu qu'en fait... Merci Daniel de cette vanne. La baie très... Kika, c'est du verlan. Oui. Kaki. Ouais. Mmh. Un fruit dégueulasse, d'ailleurs. Oui. Je ne vous le conseille pas. Mais... Chacun sa goût. Oui, bah oui. Et donc, ça, pour soigner la confusion, ça peut être très pratique, vu que la confusion... C'est un problème de statut qui est très problématique vu que plus ton Pokémon a une attaque forte, plus il va se faire mal quand il va se frapper. Donc dans la confusion, il peut se frapper. Une chance sur deux. Ouais. Ouais, enfin, pour un peu que tu sois malchanceux comme moi, ça revient très très vite à 2 chances sur 2 de se frapper. Donc, voire 3 sur 2. Ouais, voilà. Donc, après ces deux baies-là, on a la baie marron. Alors celle-là, ils l'ont pas cherché loin. Non. Et elle soigne le sommeil, donc c'est peut-être pour ça. Je croyais que c'est quand t'avais pris une châtaigne. Bah non, là t'as pris un marron. Ouais, c'est ça. Et ça te réveille. Ouais. Ça t'endort pas, ça te réveille. Non, elle peut être jouée aussi pour réveiller par rapport à l'attaque repos. On peut tous jouer. Oui, c'est vrai que tu peux faire un combo parce que là en gros, tu parles surtout de combat Pokémon. Voilà. Avec combat Pokémon, il y a des stratégies à mettre en place en fonction des attaques et tout ça. Et donc repos, c'est une capacité où on s'endort, mais on récupère toute sa vie en échange. Et justement, avec cette baie, ça permet de se réveiller tout de suite. C'est fait. Ouais. J'adore voir les regards dubitatifs. Moi, j'ai une question là parmi les baies. Quand tu vois pas clair, est-ce que tu prends la baie vitrée? Ouh, oh, les bonnes. En vrai, ça pourrait être pas mal comme idée, la baie vitrée. Eh ben, c'est vrai, ils l'ont pas fait encore. Non, non, mais ça pourrait. On va demander à la baie Pierre. Aussi, mais, oui, ils l'ont pas fait. Entre guillemets, si on considère que la vue s'est baissée en précision, peut-être qu'il y a une baie qui redonne la précision que tu as perdue. Et j'en suis sûr qu'il y en a une, parce qu'il doit y avoir une baie qui remet tes stats de base à la normale. Mais je suis perdu du coup, parce que je les connais pas toutes les baies. Moi. C'est pas une baie, c'est une capacité à côté. Il y a aussi une baie, je suis sûr. Alors je l'ai pas, s'il y en a une. Bien sûr que tu l'as pas, tu les as pas toutes sur ta feuille. Non, j'en ai que 19. Ça va. Que j'aime bien le que. Donc il y a la baie pêcha qui soigne de l'empoisonnement. Donc quand on est. Manger voilà. La pêche, ça donne la pêche. Ah, c'est ça. La baie fraise qui permet de se soigner de la brûlure. Ou là. Elle est bleue comme. Oui, c'est ça le pire, elle est bleue. J'ai jamais compris pourquoi. Mais vu que les Pokémon feu sont assez répandus, bah forcément, il y a un risque de brûlure avec leur attaque qui sont assez chiantes. Ouais. Non, le plus drôle, c'est que t'as une attaque eau aussi. Oui. Une attaque d'un Pokémon eau qui peut te brûler. Ébullition. Ouais. Alors pour le coup, ça paraît logique. Hein. Oui. Quand tu connais le nom, oui, ça paraît logique. Dis-moi, les Pokémon, ils ont pas une attaque barbecue parce que ça pourrait m'arranger ça. Ah, je suis sûr qu'en cherchant, si ça se trouve, il y en a une qui s'en rapproche. Ouais, je suis sûr. Ça m'étonnerait pas pour faire griller les marshmallows. ça va marcher. Tu utilises la queue d'un salamèche, pouf, ça marche. Mais pas sous l'eau, par contre, vu que le pauvre, ouais, il est pas très vrai. En forme à chaque fois. C'est vrai. Donc, après, on va dire, toutes ces baies qui permettent de soigner les statues, il y a des baies qui redonnent des PV. Donc, de la vie. C'est les baies flics, ça. Les PV. Oh. Mon dieu. Oui, elle était belle quand même. Donc tu as la baie Oran. Ah, la plus classique. Oui, qui redonne 10 PV quand la santé de ton Pokémon est en dessous de 50%. Donc dès qu'il a perdu 50% de sa vie, la baie s'active et tu récupères 10 PV seulement. Bah c'est qu'il la mange, ouais. En fait, un Pokémon des fois c'est con pendant les combats. Ouais, mais des fois c'est très intelligent. Alors, oui. Enfin, je sais pas. Il a dit des fois. Oui. Disons que c'est une fois sur 100. Dans les combats, les Pokémon, enfin la plupart des Pokémon, ne mangent leur baie qu'à partir d'un certain moment. Oui. Et souvent, c'est quand ils passent en dessous de 50% leur baie. Soit ça, soit comme pour les baies précédentes, quand il y a un problème de ce qu'on appelle de statut. Oui, parce que c'est vrai que c'est con de manger une baie qui te soigne la paralysie si t'es pas paralysé. Mais bon. Après, tu peux la manger pour le plaisir, en théorie. Tu vois, ouais. Bah après, tu peux en donner aussi à côté. Mais... C'est vrai, c'est vrai. Bon, elles ont pas trop d'utilité pour moi. Bah, ça dépend. Dans certains jeux, par exemple, tu peux utiliser les baies pour faire des poffins. Oui. Dans la 4ème génération, par exemple, ouais. Où ça a apparu. C'est ça. Tu mélangeais tes baies, tu faisais une recette, en fait. Ouais. Hein, dans le jeu, tu faisais une recette, voilà. Ça te faisait des petits, des je petits sais pas, gâteaux. Gâteaux, croquettes, je sais pas comment on appelle ça. Des poffins. Et tu les donnais à tes animaux, Pokémon. J'allais dire. À tes Pokémon, et ils Pokémon. Étaient tout contents. Et ouais, ça augmentait leur beauté, ça augmentait des petites stats comme ça, et c'était sympa. Alors toi, est-ce que tu as les derniers jeux qui sont sortis? Ouais. Est-ce que t'en as déjà fait des poffins? Ouais. C'était bien? Ils ouais. étaient contents? J'adore cuisiner dans les jeux. J'adore tous les petits trucs à côté et souvent dans les jeux, tu vois, t'as une petite option cuisinée ouais, un peu merdique. T'as plein de petits détails. Mais c'est sympa, moi j'aime bien. Mais ils font pas de confiture de fleurs. Non. Pas de confiture de fleurs. Non, malheureusement, non. Ils mais je peux faire pas. Des recettes de poffins avec plein de baies différentes. Oui. D'ailleurs, j'utilise souvent la baie Tamato. La baie Tamato, je sais pas si tu l'as dans ta liste, c'est si, une baie qui a réputation d'être très épicée. Oui. Et ça elle pique. A également un autre rôle. Et ça pique. Oui. Je sais pas. Vu que non, c'est pas ça. Il y a des baies qui descendent ce qu'on appelle les IV d'un Pokémon. Alors, les IV, ce sont des statistiques cachées qui sont en. C'est pas cool. Oui. Oui, ils ont voulu cacher des petits trucs en PV, attaque, défense, attaque spéciale, défense spéciale et vitesse. Ça, c'est les stats de ouais, de les 6 statistiques de base d'un Pokémon. Donc, bah, Pikachu, par exemple, est bon qu'en vitesse. Ah oui, la lumière, l'éclair, la lumière, oui. La mais vitesse. Ça, on peut pas le savoir. Avant de les avoir capturés, souvent. Non, et te fie pas à la lumière. Ah bon, donc, non, non, les Pokémon électriques sont pas forcément très rapides. Ah, je me disais électrique, électricité, vitesse de la lumière, de l'électricité. Il y en a, ils sont cohérents. Hein. Après, ouais. Plus on évolue dans les générations, moins il y a de cohérence moins parce que plus cohérents. Ils recherchent des choses différentes. Ouais. Les tout premiers Pokémon étaient vachement cohérents avec l'image qu'ils leur donnaient. Comment expliquer ça? Je sais pas. Bah, si, Pikachu, on va dire. Éclair, Tortank, par exemple, est meilleur en défense qu'en attaque. Voilà, parce que c'est une grosse tortue avec une grosse carapace, voilà. Deux gros canons. C'est ça. Ouais, vu qu'il fallait bien attaquer quand même un petit peu. Mmh, oui. Et donc, vu que tu parlais de la baie Tamato, c'est une baie qui descend donc ce qu'on appelle des IV en vitesse en échange d'un peu plus d'amitié. Donc c'est une baie qui sert à rien. C'est trop méchant. Ouais, mais... L'amitié avec tes Pokémon, on s'en bat les couilles. Mais tu t'en fous, ça sert à rien. Moi j'aime bien être ami avec mes Pokémon. Ah, pas moi. Surtout que maintenant dans les jeux Pokémon, plus t'es ami avec ton Pokémon, plus il va faire des trucs complètement pétés pendant un match, du style comme il vous adore, il va esquiver l'attaque. Ça existe dans Pokémon maintenant. Ouais. Avant ça existait pas parce que c'était pas logique. Maintenant, ça, si tu veux de la difficulté, tu peux le contrer avec des médicaments. Tu lui donnes des médicaments et là il commence à te détester. Oui, c'est vrai. Quand il a qu'un PV aussi, par exemple, et qu'il se fait attaquer, un PV, enfin un point de vie, tu meurs. Oui. Quoi qu'il arrive. Et ben non. Là, il dit, ton Pokémon, il dit, oh, il vous aime trop, donc il encaisse le coup. Juste parce qu'il t'aime bien, tu vois. Et tu vois, c'est un petit intérêt d'être pote avec tes Pokémon quand même. Ouais, mais moi personnellement, je trouve que ça rend les jeux trop faciles. Oui, effectivement, dans la notion de jeu, oui. Après, dans la notion RP, je trouve ça cool, tu vois. Tu dis, ouais, il a envie d'encaisser pour toi, tu vois. Ouais, c'est bien. Après, oui, on peut le voir comme ça. Hmm, bon, au lieu de continuer dans les baies comme ça, on va aller faire un tour dans Pokémon Go. Oui. Vu qu'il alors, y a... oui. Bon, on va dire, j'ai retenu 3 baies, mais en vrai, il y en a un peu plus. Il y en a 5. Ouais, Donc, il y a la baie Nanab, qui vient du Verlan aussi, donc baie banane. Ouais. Et qui est pas du tout une baie banane. Ah si. Si. Ah si, mais elle est rose. Oui, elle est rose. Une banane. Et donc... rose. Bah, ça existe, les bananes roses. Oui. Si. Alors là, Teddy est totalement dubitatif. On va finir dans le baie tisier. Ouais, bah ça, c'est sûr que Teddy y est. Et donc, ça, c'est une baie qui te permet d'avoir un Pokémon un peu moins agité à la capture. Il bouge moins quand il mange une banane. Faut retenir ça. Ouais. Moralité, tu lui donnes ça une banane. Ça cale une banane, c'est pour ça que tu bouges moins. C'est ça, ouais. Donc, après, j'ai la baie Frambi. Tu flambis ? Non. Non, ça vient de framboise. Oui, ça se gobe sinon. Hein. Ouais, bah après, elle se gobe aussi. De hein. toute façon, on est en train de gober ces conneries là, donc. Bah, ça fait qu'une de plus là. Et donc, ça, c'est une baie, vu que dans Pokémon Go, il y a plusieurs niveaux de capture. Rouge pour difficile, c'est orange pour moyen. Il y a plusieurs couleurs, ouais. Voilà, orange pour moyen et vert pour facile. Et là, ça rend plus facile à capturer. C'est voilà, ça. C'est ça. Ça te permet ça de... fait vert pâle. Il est occupé à manger, du coup tu peux lancer un Pokéball dans la gueule. Moralité, tu joues en traître. Tu lui donnes un truc à bouffer, tu lui balances un truc dedans. L'art d'appâter. Ouais, mais c'est ça qui est bon aussi. C'est vrai. Ah, tu fais pareil quand tu pêches, tu donnes à bouffer au poisson et puis il mord à l'hameçon. Oui. Et après, moi je vous ramène les gros poissons. Par exemple, oui. Et la dernière dans Pokémon Go, c'est la baie Nanana. Qui vient d'ananas. Vas-y, c'est pas ça. Vas-y, Daniel. Tu voulais nous faire un terme. Oui, c'est. J'allais dire, si tu veux chanter, vas-y. Non, peut-être plus tard. Je vous ferai peut-être plus tard, d'accord. Non, ça suffira. Non, ça suffira. Je vous ferai ce plaisir plus tard. Donc, ça, c'est une baie qui te permet d'avoir le double de bonbons quand tu captures un Pokémon. Oui, parce que. Quand tu captures un Pokémon, il t'offre un nombre de bonbons en fonction de son évolution. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais de Pikachu, Daniel. Si tu captures un Pikachu, il t'offre 3 bonbons théoriquement. Oh, il est un peu radin, il pourrait en donner plus. Hein. Oui, bah c'est Pikachu. Hein. Ouais. Hein. Parce que si tu lui donnes une baie nanana, il t'en donne 6. Ouais, mais tu donnes pour qu'il redonne. Ouais, oui. Mais... Ouais. Mais les baies, ça te sert pas à grand-chose. Voilà. Enfin, la baie nanana, elle sert qu'à ça. C'est tout. Alors que les bonbons, ils peuvent te servir à plein de choses. Un bonbon... Enfin, des bonbons Pikachu. Tu peux si faire tu un as Raichu. 50... Ouais, voilà, si tu as 50... Parce que dans Pokémon Go, ils ont... modifié, en fait, le comment et le pourquoi les Pokémon évoluent. Voilà. Ouais. Un Pokémon, normalement, ça évolue avec l'expérience, avec les niveaux, notamment. Oui. Niveau. Dans Pokémon Go, ça évolue avec des bonbons. En fait, c'est toi qui décides quand ça évolue, ouais. en fonction du nombre de bonbons que t'as. Si t'as 50 bonbons, comme tu l'as dit... Ça évolue en Raichu, voilà. Pour Pikachu. Alors, je suis d'accord pour les bonbons, mais je les veux à la fraise. D'accord. Après, alors... donner 50 bonbons à ton Pokémon, je sais pas si ça le fait vraiment évoluer ou si ça le fait plutôt atteindre le diabète très vite. Après... Peut-être qu'il a le poids de Raichu après à force de manger. Je sais pas, mais imagine le Magikarp, lui d'en manger 400 pour évoluer. Je peux te dire que la digestion elle est vite arrivée. Hein. Ouais, c'est sûr que là. Tu crois qu'ils ont des bonbons en parfum de fleurs, rose, violette Si on prend l'exemple qu'il y a des Pokémon plantes, ouais. Comme Jolifleur, ouais. Peut-être que le bonbon a un parfum. Ça peut, de ouais. Oh, ça serait pas incohérent. Ça peut, ouais, totalement. Je sais pas, je mange pas beaucoup de bonbons Pokémon. Non, moi non plus. C'est pour ça que je me renseigne. Là, j'en profite pendant que vous êtes là. Est-ce que tu as d'autres questions alors sur les bonbons Pokémon? Non. Non, là que tu me poses une question, c'est marrant, j'ai pas de réponse à te donner. Moi, j'aurais une question parce qu'on est dans les jeux, mais en fait, est-ce que dans les magasins réels, est-ce qu'on trouve des bonbons Pokémon ou des baies Pokémon? Est-ce qu'on peut acheter des produits dérivés qui se mangent Pokémon? Alors, c'est sûr, au Japon. Oui. Seulement au Japon, ouais. Bah seulement, oui, parce que nous, on n'est pas très fan de ce genre de... On s'y met un petit peu, mais c'est pas très développé en France, hein, clairement. Alors qu'au Japon, ils sont totalement là-dedans. Ils sont à fond. C'est presque des Pokédromes, on pourrait dire. C'est pas que pour Pokémon. Hein. Oui, pas que pour Pokémon. Tout ce qui est de pop culture, chez eux, c'est mis en priorité, en fait. Donc, oui, au Japon, tu pourrais largement, je pense, trouver des baies. Alors, j'imagine qu'ils seraient avec des goûts de fruits de base. Hein, ouais, voilà. On a des vrais. Ouais. Mais en forme de baie de Pokémon. Mais je pense que, comme tu as dit, pop culture là-bas, vraiment, ouais. La pop culture est vraiment mise en avant là-bas. Oui. C'est vraiment. C'est leur mode de vie, c'est la base. Mais. Oui. Non, ce qui est intéressant par contre pour les baies, c'est que souvent ils viennent d'un nom en fait. Surtout y a toujours en France en tout cas. Un rapprochement avec la réalité. Ils ont souvent pris un Verlan par exemple, comme on l'a dit. La baie Nanab par exemple. Voilà. Ou alors ils ont modifié légèrement, comme la baie orange. Pourtant elle est bleue. Oui. Mais elle ressemble à une orange bleue. Dans Tintin, il y a les oranges bleues. Elle ressemble à une orange bleue. Voilà, donc, c'est une orange bleue. Il y a plein d'autres trucs de genre. La baie figue. Ça vient de figue. Et elle ressemble à... Pas une figue, elle ressemble à de l'ail. Il y avait un piège. Le piège. Mais... Voilà, c'est souvent ça. Les baies dans Pokémon sont inspirées quand même... De fruits. Toujours même de la réalité, ils prennent toujours un. Bah, par exemple, on pourrait dire quoi comme fruit qui a pas été fait? C'est ça le problème. Bah, le kiwi. Je crois pas qu'il y en ait des. La baie wiki. Putain. Eh ouais, j'ai réponse à tout. Mais... Et pas Wikipédia, attention. Non, hein. C'est pas pareil, non. Mais oui. Donc, du coup, dans Pokémon, vous avez des baies. Vous pouvez sans doute les commander sur des sites pour. Oui, directement faire apporter du Japon. Après, en soi. J'en ai aucune idée de comment ça se passe. Hein. Oui. Moi non plus. Ni de quel goût ça peut avoir. Pastèque salée, peut-être. Et ça existe au Japon. Ça existe au Japon, c'est la seule chose que je connais. Bah après, au Japon, faut se dire aussi que c'est plus la texture qu'ils recherchent qu'autre chose, hein, souvent. On va écouter la musique. Ouais. La texture musicale, voilà. Ouais, la texture musicale. Bah, en tout cas, nous, on l'a sur Indestar avec Noga Erez. Industry Baby. Peck Avenger, c'est comme... Dans Aladdin. On chante, on danse, on tchache, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Mais en différent. Nous sommes sur Indestar, donc pour la suite de Peck Avenger 2.0, jusqu'à... Bah, plus tard que 23h, ça c'est sûr. C'est bien parti pour... Bah, comme d'hab. Et moi je dirais que c'est de la faute d'Océane. Oui. C'est obligé. Et qui vient de nous rejoindre. Comment en plus. Ça, c'est de ma faute? Bah, t'es arrivé. T'es arrivé, donc c'est de ta faute. Ouais. Mais j'ai fait une surprise. Bah, t'as tout perturbé. On croyait que t'étais pas là, et puis t'arrives. Bah, en fait, je suis là sans être là. Quoi, t'es ou pas là, mais t'es encore là. Mais... Ah, voilà. L'été où? Et bah, là, je suis sur une des stars. Bah, t'as bien raison quand même. C'est le meilleur endroit du monde, t'as raison. Ouais. Oui. Océane qui traverse les océans pour rejoindre Indestar. Non, si ça se trouve, elle est passée, elle a suivi Alice, voilà, elle a mangé des champignons, pof, ça va encore plus vite. Bah, allez, Luigi, Mario et les autres. Vu la tête qu'elle a ce soir, elle a peut-être mangé des champignons, ouais. Mais, là, tiens, on va revenir à tout à l'heure. Vu que tu nous on va revenir à tout à l'heure. Oui, non. J'avais dit, je reviendrai. Ouais, et il est revenu. Ouais, à d'autres champignons, ça va pas vite. Hein. Si j'appuyais sur le champignon, quand même. Oui, t'as raison, revenons à nos champignons. C'est ça, revenons à nos champignons. Tous à table alors, parce qu'on était dans les contes de fées, alors on était à table autour des champignons. Oui. Et là, on va aller dans un grand documentaire en fait qui cartonne sur Netflix et sur d'autres plateformes de streaming en ce moment, qui s'appelle Fantastic Fungi. Fungi, donc fongicide, etc. Vous connaissez les champignons, donc tout ce qui est fongique. The Magic Beneath Us. Ça veut dire le côté magique qui est en dessous de nous, c'est-à-dire qui nous font découvrir et redécouvrir le monde des champignons. et notamment le monde qui est invisible, parce que nous disions tout à l'heure qu'il y a le carpophore qui est la partie visible de l'iceberg, du champignon, donc qui constitue le pied et le chapeau, mais parfois même ça n'est pas très visible, hein, il faut les chercher. Pensez aussi les champignons qui vivent d'ailleurs de manière souterraine, les truffes, il faut aller chercher, il faut fouiller le sol, hein, près des racines. Mais voilà, ces champignons, ils ont aussi, si vous voulez, l'équivalent des racines pour les arbres, par exemple, il y a le mycélium, hein, qui est donc le prolongement du champignon de manière souterraine et qui peut être très très long et qui a un véritable réseau. Ce qu'on nous invite à voir, c'est qu'est-ce que c'est que ce réseau, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça permet ou qu'est-ce que ça a permis, et pas simplement pour les champignons. En fait, ça peut être un réseau entre les autres êtres, et c'est très important au niveau de la vie des autres êtres. Donc ce documentaire, qui date de 2019, est un film de Louis Schwarzberg, donc c'est un film américain. D'accord. Et Louis Schwarzberg, il est connu surtout pour avoir filmé, photographié les fleurs. Et aime beaucoup ça. Et là, il s'est attaqué aux champignons. Alors, comment est-ce que ça se présente, ce documentaire? Une heure et quart, en fait, où vous avez beaucoup de vidéos accélérées, où vous voyez, en fait, pousser les champignons. Hein, parce que les champignons, c'est très On a très la long. Vie des champignons, en fait. Ouais. Et en fait, il y a quelque chose de très original, c'est que les champignons nous parlent. En introduction, en conclusion, et aussi, si vous voulez, pour faire des transitions, la voix off, en fait, c'est comme si c'était le champignon qui vous parlait. Et les champignons, c'est en général parce que c'est nous sommes, etc., nous venons, et nous sommes à l'origine d'eux, nous servons à ça, etc. Mais c'est assez original de faire parler les champignons, et à partir du moment où ils parlent aussi pas mal des champignons magiques, hallucinogènes, etc., ben, pourquoi pas avoir des hallucinations auditives, hein, on a des choses visuelles. Pourquoi pas, ouais. Parce que le fait que ce soit en accéléré, évidemment, hein, ça nous fait voir ce qu'on voit pas, ça va plus vite, etc. Bon, on en voit toutes les couleurs de toutes les formes, hein, parce qu'il en existe des quantités astronomiques de champignons. J'ai dû noter ça quelque part, mais c'est vraiment énorme la quantité de champignons qu'on a répertorié, et on n'arrête pas d'en répertorier encore. On n'a pas fini, on est quasiment sûr de... Enfin, on est sûr de ne pas avoir tout découvert comme beaucoup de choses de toute façon, mais c'est juste qu'on est sûr même d'en détruire sans même les connaître. Ah bah, c'est-à-dire qu'ils sont partout. C'est ça qui est fort, en fait. Ils sont partout, y compris dans votre habitat, en fouillant partout, à la dernière minute avant de venir faire le direct. Je suis tombé sur un site, en fait, qui parlait de l'habitat et des différents champignons que l'on pouvait trouver à l'intérieur des habitats et qui pouvaient menacer donc nos habitats, notre santé, etc. Et parce que les remèdes, mais en fait, il y en a partout. C'est-à-dire que même sur une fenêtre, ils disaient, sur le verre peut pousser tel champignon, sur les joints emblastie peut pousser tel champignon, etc. Enfin, on a réparé. Oui, mais à l'intérieur d'un habitat, il y en a déjà une quantité astronomique. Et on en a en nous aussi, dans notre corps. On en a sur nous. Bon, Il y en a dans les voitures aussi. Beaucoup. Il y a des gros champignons. Appuie sur le champignon. Oui. Non, mais notamment sur cette blague, t'en es fier. Hein, non, mais j'attendais pour la caser. Attends, depuis le début. Là, Tu l'as déjà casé, hein, remarque. J'avais lu un truc par rapport à une cuillère à café de terre. Tu prends une cuillère à café de terre, t'as déjà plus de 1000 champignons dans ta cuillère. Oui, il y a quelque chose qui est très, très intéressant. Un milieu très habité, c'est la mousse aussi. Ouais. Dans la mousse, il y a une quantité d'êtres vivants extraordinaires. Oui, j'ai retrouvé mon chiffre, là, 1,5 million d'espèces différentes, on le dit dans le film de 2019. Mais en fait... si vous voulez, par contre, sur la date d'origine champignon, on n'arrête pas de reculer, parce que plus on fouille dans les sédiments, dans les roches, etc., plus on trouve. Plus on en trouve. Et on nous montre un moment, en fait, vraiment la trace d'un champignon. On voit vraiment la forme d'un champignon. Donc, on n'arrête pas de remonter. Et donc, dans ce film, on remonte à millions, billions, etc. Bon, peu importe. Mais je suis allé voir sur d'autres sites pour voir un petit peu les chiffres qu'on nous donnait, et il y avait un site où on nous disait on pensait il y a encore peu de temps que c'était 400-500 000 ans, et puis en fait on peut largement aller à un million, tu fais remonter. Et le film nous dit mais non, mais c'est vraiment encore plus loin. En fait, les, champignon serait vraiment à l'origine de beaucoup de choses, de beaucoup de vie, et même de l'apparition. En fait, on dit qu'à un moment le mycélium, alors qui a survécu à toutes sortes de choses, y compris quand les météorites sont tout ouais. détruits, etc. Bon, à un moment, donc à 650 millions d'années de nous, ce serait divisé pour alors qu'il y ait une partie qui reste si vous voulez au niveau fongique, donc qui fasse toujours du mycélium, etc., donc qui évolue en souterrain, en milieu souterrain, et une autre partie qui aurait donné les animaux. Comme on est tous, on nous dit poussière d'étoiles, ben on nous dit bah, les étoiles c'est aussi les champignons, voilà. On est tous les poussières de champignons. Les champignons sont aussi, voilà, et nous serions, si vous voulez, alors les étoiles, donc champignons et champignons, et bien après on bah, donne naissance à tout le reste. On est tous cousins alors ? Oui. Un peu quelque part. On est tous fongiques. Alors, tu seras un tantinet toxique, Kevin. Mais c'est ce que j'allais dire, je veux pas être cousin ou frangin avec toi. Et alors, si on continue dans cette évolution, en fait, on nous raconte qu'il y a donc les singes vivaient dans la forêt à l'origine, etc. Et donc l'évolution des forêts qui, à certains endroits, ont disparu au profit des prairies. Donc les singes sont descendus des arbres, sont allés dans les prairies. Ils ont commencé à suivre les animaux qui vivaient et à les chasser. Or, les animaux qu'ils chassaient faisaient des excréments et sur ces excréments poussaient des champignons, et donc ils ont forcément goûté à ces champignons. Et quels sont les champignons qui poussent dans les excréments de ces animaux? Ce sont ces fameux champignons magiques, champignons hallucinogènes, etc. Et en fait, ils sont tellement riches, ces champignons, en effet, etc., qu'ils auraient permis au cerveau humain de se développer vraiment de manière radicale et de transformer le singe en fait en bipède, c'est-à-dire qu'on s'est relevé et notre cerveau a vraiment beaucoup augmenté et on a eu développement donc de toutes les facultés, si vous voulez, cognitives, de l'empathie, voilà, de plein de choses qui ont transformé en fait les êtres pour en faire c'est ça, ouais. les champignons seraient à l'origine de tout être, mais aussi par leur consommation et après le fait de les cultiver, de les exploiter, etc., nous ferait évoluer. Aujourd'hui, de quelle manière ça nous fait encore évoluer? C'est-à-dire qu'on ça est devient... Ça nous fait grossir le ventre. Alors, ça, c'est si t'en manges trop, ça. En fait, on exploite notre intelligence. On dit que ce sont des êtres intelligents, en fait, qui n'ont besoin de rien, sinon que d'eux-mêmes. Ils savent, en fait, très, très, très bien se débrouiller tout seul. Par rapport aux autres fruits, si vous imaginez que les champignons, donc la partie carpophore qui est donc externe, hein, que l'on ramasse, c'est comme un fruit au bout d'un arbre. Imaginez que le mycélium, c'est donc les branches de l'arbre, et au bout il y a des fruits. Les fruits dans la nature généralement ont des couleurs, ont des odeurs, ont des textures qui attirent, ouais. Pour en fait que les arbres puissent se reproduire ouais. Hein, voilà, on consomme les baies et quand on fait yakai, il y a la graine qui pousse, etc. Bon, vous connaissez par rapport aux oiseaux, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des arbres des fois dans notre jardin qu'on n'a jamais planté. voilà, parce que voilà, ça germe. Et donc en fait, en consommant, donc je vous dis les champignons, ben on s'est transformé. Et aujourd'hui, ben on connaîtrait beaucoup mieux les champignons et on sait qu'ils ont plein de propriétés. Et donc on essaye d'exploiter ces propriétés pour nous soigner. En médecine, voilà. Ouais. Alors, mais médecine, si vous voulez, on pense intervention physique, mais on peut penser psychique aussi. Hein. On intervient sur le. Si on considère qu'il y a des champignons on peut très bien considérer que ça peut guérir de plein de choses psychiques. Alors le reportage au début nous emmène donc dans la nature, dans la forêt, nous fait découvrir les différentes variétés. Bon bref, et nous dit déjà un peu au début, expose des théories, parle un peu de ces champignons donc qui ont des facultés donc hallucinogènes, etc. On nous montre des personnes en crise qui en ont pris ouais. un peu trop. Bon. bref, sans mesurer les effets. Bon, bref. Et puis, on passe au fait que si on contrôle bien les choses, on peut utiliser donc ces facultés, ces capacités pour notre bien-être. Hein. Et donc, on nous parle de gens qui ont eu des cancers, on nous parle de gens qui ont fait des dépressions, et on a les témoignages de ces personnes. Et certaines avaient des cancers à des stades super avancés, dont la mère d'un mycologue, c'est spécialiste des champignons, donc qui parle à un moment et qui raconte comment elle avait un jour appelé son fils. Ça doit être le fils qui raconte comment sa mère l'avait appelé, mais après il est sur un plateau et sa mère est invitée, donc on va la voir. Et elle avait un cancer du sein, et elle avait un sein qui était 4 ou 5 fois plus gros que l'autre. Enfin bon, on disait voilà, pas trop tard, faible chance de s'en sortir, etc. Sauf qu'on était en pleine expérimentation avec des champignons, et on lui a proposé d'essayer. Ouais, une fois shooté, il n'y avait plus de problème. Hein. Alors après, je ne me rappelle pas les détails, quels champignons machin, si c'était les psychotropes, si c'était autre chose. Et en même temps, quand tu es à la fin et que tu sais qu'il n'y a plus grand chose, tu peux tenter des choses. Voilà. Mais j'étais prêt à tout tenter. Bon, en tout cas, elle a essayé ce traitement et une rémission totale, plus rien. Voilà. Alors, ce n'est pas parce que un exemple est concluant que ça en fait une règle, comme ce n'est pas parce qu'un exemple ne marche pas que ça en fait une règle, vous le savez aussi. Mais bon, bien, il était bien content quand on le voit dans la conférence de dire ben voilà, ma mère elle est là et elle a plus rien. Grâce à son travail sur les champignons, voilà. Il a pu sauver. Et je pense mère. Qu'il a raconté ça, c'est je sais beau. Pas combien de fois, et certainement toujours avec émotion parce que c'est assez dingue. Mais bon, je crois que cette personne aussi, elle a été pas destinée à travailler sur les champignons, et elle a découvert aussi ça, et se dire après le fait que quand on a proposé à sa mère d'utiliser champignons, et elle a su dire au médecin mais mon fils justement travaille sur les champignons, et donc tout le monde a pu se mettre d'accord. Donc on les utilise aussi, bon voilà, pour les dépressions, je disais, et puis des phénomènes un petit peu plus grands, alors que ce soit anxiété profonde, que ce soit dépression et plein d'autres choses, et des troubles mentaux, il y en a des tonnes. Que ce soit pour les douleurs, calmer les douleurs, mais après pensez tout simplement à la pénicilline, je veux dire, c'est le pénicillium, c'est un champignon de base, une des plus grandes des premières, et voilà. Et d'ailleurs, la pénicilline, pendant la Seconde Guerre mondiale, il disait que ça a certainement sauvé pas mal de soldats, hein, le fait de pouvoir utiliser, et ça a peut-être d'ailleurs changé le cours de la guerre, voilà, vu qu'on maîtrisait bien ça. Donc je pense que côté américain, puisque c'est un reportage américain, moi je suis pas plongé plus, hein, mais je me dis, vu que ce sont des Américains qui parlent, j'imagine que c'était de ce côté là ou peut-être du côté britannique, bon bref. D'ailleurs, tu parlais de la pénicilline qu'on trouve à l'état naturel dans certains aliments que l'on peut consommer. Donc, peut-être. Mais je sais que c'est issu d'un champignon, c'est ça vient du pénicillium, Fleming, je sais plus quoi. Fleming, 1928. Ouais. Voilà, lutte à l'intérieur des habitats contre les termites. Alors là, j'ai trouvé ça super intéressant, parce qu'on nous parle en fait d'une première expérience qui a foiré, mais on sait pourquoi, et puis d'une autre expérience plus concluante. Vous savez que les termites, ça ronge tout, et on a un mal fou à s'en débarrasser. Les termites sont des êtres super intelligents en fait, parce que vous avez comme chez les fourmis, vous avez des rôles différents. Et il y a notamment, donc vous avez là une reine, la reine termite, qu'on protège à tout prix. Et donc il y a des soldats, d'accord. Et imagine la termite avec son petit pic. Donc vous imaginez. Alors on va dire un truc. Par exemple, on est dans une souche d'arbres pourris, voilà, intérieur, termitière. Bon bref. Et puis à l'extérieur de l'arbre, vous avez les soldats devant. Et puis vous avez des types d'ouvriers, si vous voulez, qui vont en chercher des choses, qui les ramènent, etc. Et en fait, on a contaminé ces ouvriers. Alors je sais pas quelle substance, mais enfin peu importe, mais en fait les soldats termites sont super intelligents, ils ont détecté qu'il y avait quelque chose qui avait un problème sur ses ouais. Du coup, ils ont buté. Et en fait, ouais, découpé la tête. On nous montre, en fait, ils sont tellement intelligents que on pense. On interprète en fait que les soldats en fait sont prêts à se sacrifier aussi, c'est-à-dire que ayant touché les ouvriers qui reviennent machin qui sont contaminés, ils se suicident après. Ils se laissent mourir. On les voit mourir. Alors moi, excuse-moi, j'imaginais comme lui, il avait décapité quelqu'un pour mourir. Fallait qu'il y ait un autre soldat qui vienne le décapiter et ainsi de suite. Ce qui faisait que à la fin, l'intermittaire était. En tout cas, le but étant de protéger la reine à tout prix, il faut qu'aucun corps étranger, etc., ne rentre dedans. D'accord. Est-ce que je peux faire une remarque, s'il te plaît ? Oui, vas-y, vas-y. Si on part de ce principe-là, ça veut dire que si ta maison, par exemple, est en bois, est envahie par les termites, si ils détectent quelque chose d'anormal, t'as gagné. Quelque part, ça veut dire que ta maison est en très bon état. On peut peut-être le traduire comme ça. Est-ce que tu peux me le chanter parce que là... Ma maison est en état, il y a plein de termites. Bon, j'ai pas tout compris, je réécouterai le podcast et si je peux répondre plus tard. Par contre, la deuxième expérience, en fait, c'est qu'ils ont fonctionné un peu comme un cheval de Troie. Vous savez, dans votre ordinateur, fausses termites avec des... les virus que vous ne détectez pas, enfin aujourd'hui on a des antivirus qui se mettent à jour, etc., mais imaginez un virus voilà qu'on ne détecte pas et donc qui peut rentrer, c'est ça. Donc on a trouvé en fait à injecter à ce que les ouvriers en fait aient quelque chose d'indétectable, mais qui va contaminer donc la termitière, et donc on voit les soldats qui ne détectent pas, et en fait partout où vont passer les ouvriers, ils vont répandre la substance toxique. Et c'est un petit peu... Moi, je pense en parallèle, quand on veut se débarrasser de fourmis, puis qu'on achète des espèces de tubes qui ressemblent à des tubes de colle, vous savez. C'est totalement ça. Et en fait, les fourmis emportent des gouttes dans la fourmilière et ça contamine toute la colonie. Bon, sauf alors... qu'ils n'ont pas le problème des soldats, effectivement, qui les arrêtent. Il y a de la communication entre... La peine de mort existe chez les termites, finalement. Oui. Voilà. On peut le voir comme ça. Il y a la communication entre les fourmis, qui, chacune qui rencontre une autre, se rend en contact, et ça permet de savoir qu'il y a quelque chose à aller chercher, dans quelle direction, éventuellement quelle distance. Après, sur la protection, je connais pas plus. Les abeilles ont la capacité de communiquer aussi. Ouais. Pour indiquer dans quelle périphérie et la forme ou la direction qu'il faut prendre, enfin des choses comme ça, assez intéressant. Donc la deuxième expérience a marché et ça a contaminé toute la colonie, donc je me dis tiens, il y a peut-être des gens qui sont infestés par les termites qui seraient ravis d'en savoir plus sur ce qu'on découvre. Apprends à connaître tes ennemis dans ce reportage. Et vu que tu parlais du reportage, c'est quoi le nom? Fantastic Fungi, donc si tu veux, ce qui est le monde des champignons, hein, fongiques, fantastique. Je reviens en fait au traitement là sur, je vous disais, en psychiatrie, en médecine, etc. Ils ont découvert en fait qu'il y avait un champignon qui pouvait être utile pour stimuler nerveusement l'organisme pour régénérer en fait les neurones. Quand on vieillit ou quand on a des maladies, on perd des neurones, etc. Et en fait, plutôt que de se dire comment réparer, etc., enfin physiquement c'est pas évident, par contre on peut stimuler l'organisme pour qu'il cherche à se réparer, et on a des champignons qu'on a utilisé pour ça. Moi j'ai retenu une chose: on utilise les champignons en psychiatrie, mais enfin quand tu vois les effets qu'auront certains champignons, c'est normal de retrouver les champignons en psychiatrie quand même. Oui, bon, après, spécialiste de la psychiatrie, mais je me dis que les douleurs physiques, parfois, ça peuvent même être plus faibles que les douleurs psychiques. Enfin, voilà, le mal-être est tel que... Totalement, on peut simuler. On peut freiner. Oui. On se rend pas compte qu'au final, la blessure n'est pas si grave que ça, mais nous, on a mal à l'intérieur. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous savez qu'on parle de plus en plus d'environnement, oui. Et ouais. Donc de réchauffement climatique et plein d'autres choses, et de pollution. Et que, en fait, puisque les champignons sont capables de digérer tout ce qui, si vous voulez, contient, je disais, du carbone, vient, ouais. Tout ce qui est. Alors, hydrocarbone, bon voilà, humide, carbone, etc. Bon. Eh bien, on peut essayer de les utiliser par rapport à la pollution. Et en fait, on a fait une expérience par rapport à du pétrole, c'est-à-dire une nappe de pétrole. Et en fait, on a, je ne sais pas quel type de champignon digère le pétrole, hein, mais on a essayé. Et en fait, les champignons ont digéré le pétrole, la nappe de pétrole. Alors, je ne sais pas à quelle échelle on a essayé, mais enfin, on a essayé et ça a disparu. Bah. Donc, on se dit, voir comment ils peuvent digérer du plastique. En fait, est-ce que ces champignons, comme je vous disais, le paradoxe, c'est que ça part dans différents sens. Ces champignons qui peuvent vous nourrir mais qui peuvent vous tuer. Les champignons qui sont à l'origine de toute chose mais qui pourraient peut-être détruire toute chose, mais peuvent peut-être aussi soigner toute chose, dont la pollution. Et donc le film, en fait, pose la question, est-ce que ces champignons pourraient pas nous sauver ? Hein, en fait, c'est à nous d'être intelligents et d'aller explorer déjà, parce que c'est un sacré monde. Et puis pour maîtriser l'exploitation de tout ce qu'ils font eux déjà par eux-mêmes dans la nature sans nous demander notre avis, parce qu'ils se débrouillent très très bien tout seuls. On pourrait mettre un petit peu un sous-titre, champignons, amis ou ennemis alors. Non, peut-être Dieu, non, ça marche pas. Dieu tout puissant. Alors le sous-titre qu'ils ont mis, c'est la magie en dessous de nous. J'ai oublié de revenir sur. J'avais parlé de communication. On passe en dessous du sol. On va avec le mycélium. Et je vous disais, le mycélium, on l'a nommé des 3 W. Alors c'est Wood Wide Web cette fois-ci, donc la toile du bois entier, non pas la D'accord. toile du monde entier, parce qu'en fait ça pousse souvent sur le bois, et notamment le bois pourri, et puis ça digère et voilà, et ça transforme en humus. Donc après ça nourrit, évidemment, donc ça stabilise, si vous voulez, le sol, et les nutriments après peuvent être absorbés par les plantes. Mais encore mieux que de simplement transformer les nutriments et de laisser les plantes les absorber, eh bien, ça fait un réseau de communication aussi entre les plantes et notamment entre les arbres. On a remarqué que qu'entre les arbres, en fait, ils s'échangeaient parfois des nutriments ou ils les distribuaient. On a remarqué, par exemple, que quand il y avait des nouveaux petits arbres qui naissaient, bien, les grands arbres étaient capables de redistribuer en fait les nutriments pour aider les plus petits, et que ça passait par le réseau de mycélium. Donc voilà, les champignons, s'ils n'étaient pas là, d'ailleurs, il n'y aurait pas toutes ces plantes, et il n'y aurait certainement pas d'autres vies, etc. Parce que vous savez que les arbres, quand beaucoup de plantes perdent leurs feuilles et plein d'autres choses, en fait, ça fait un tas de déchets. Et en fait, pour que ces déchets disparaissent, soient transformés en humus, etc., il faut une combinaison de champignons, de bactéries, éventuellement de petits animaux qui détériorent. Et voilà. Donc s'il n'y aurait pas les champignons, eh ben, on serait dans la merde. On va dire en importance. Si je pouvais un peu comparer ça, ce serait aux abeilles, un peu, niveau importance. Alors après, à une échelle au-dessus de ce que j'ai compris, mais d'une façon différente. Voilà, d'une façon différente. Mais... C'est-à-dire que si tu veux, pour le transport de choses essentielles, eh bien là c'est un réseau en fait lié, donc ça va passer par des choses qui sont raccordées. Ça serait la génération filaire. Et puis pour les abeilles, bah, par contre c'est sans fil, parce qu'il faut transporter. Mais alors ça, si un jour on fait une émission par rapport aux abeilles, c'est quand même super intéressant. D'ailleurs, on en a parlé bien dans sûr. Une émission où je parlais de la magie du désert, des plantes qui se sont adaptées, qui arrivent à attirer les insectes. Et quand les insectes repartent de certaines fleurs, dans le sens où les abeilles, ils repartent avec une partie du pollen. Les pollinisateurs. Non, oui, on alors, en fait, vous savez que le vent déjà est, oui. est très le vent important. Et d'autres insectes tout court en fait, parce qu'on connaît souvent les abeilles pour se nourrir, se butiner et tout et ça. Et des abeilles, il y en a une quantité astronomique et à une variété de plantes correspond une variété d'abeilles. Bien sûr. Bon. Et mais les c'est pas les seuls aussi. Et y a même alors que les champignons, tu les enlèves, ça m'étonnerait que ça. Y ah oui, non, forcément, qui, voilà. Oui, c'était plus pour trouver un c'est peu. C'est pour autre ça que chose. Oui, c'est pas pareil. Il voulait dire que c'était pas pareil. Maintenant, il l'a dit, il est content. C'est ça. Oui. Je ferme ma gueule. Ouais. Enfin. La théorie là des singes qui seraient descendus des arbres, c'est-à-dire qui seraient allés dans les prairies et qui auraient mangé les champignons qui poussent sur les crottes là, ça s'appelle la théorie du singe enivré. D'accord. Voilà. Oui, je connais la théorie de l'homme enivré, moi. C'est certainement par ce côté hallucinogène. Donc ça c'est la théorie de Terence McKenna. Alors il est philosophe universitaire et on l'appelle aussi psychonaute. Vous avez les astronautes qui voyagent dans l'espace et les psychonautes qui voyagent dans la psyché. Alors il est spécialiste en fait de tout ce qui est cognitif. Donc voilà, certainement un allumé, mais qui doit en connaître un rayon sur le monde invisible qui fait notre côté psychique. Moi je trouve ça, après, ça peut super sauver intéressant. Parce que si on considère que l'espèce humaine, enfin si on prend sa théorie et qu'on dit qu'elle est exacte. Ouais. Ça voudrait dire que les chiens qui mangent le caca, parce que ça existe très souvent, ils mangent des champignons de caca forcément. Oui. Ils ont pas beaucoup évolué depuis. Enfin, je sais pas. Nos animaux, ils sont déjà devenus familiers. C'est déjà une évolution. Mais forcé par les humains, je trouve. Et oui, bah, oui. Mais après, ils ont évolué et ils évoluent pas. Peut-être par rapport à nous. Peut-être le fait qu'on leur fasse aussi plein de choses sous le nez ne les aide pas à développer ou développe une certaine forme d'intelligence qui font qu'ils nous manipulent tous les 3-4 matins. Mais donc les chiens, mais ils ont certainement évolué si vous partez oui, du côté sauvage. Enfin, ça ressemble plus vraiment à des loups. Hein, je vais faire un gros beaucoup, cliché en disant voilà du loup au chien. Là, il y a quand même une sacrée évolution. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ait conservé une partie sauvage. Bon, c'est vrai. Mais bon, tout ça peut faire plein d'autres émissions. C'est ça. C'est vrai. Ouais, comme la semaine prochaine. Ouais, avec les animaux. C'est vrai. On en parlera peut-être des loups. Si on parle des chiens, on parlera des loups. Donc les champignons sont à la fois destructeurs, décomposeurs et constructeurs, régénérateurs à la fois. C'est quand même assez, assez fascinant. Voilà, si vous voulez en savoir plus, bah, y a ce documentaire. Donc il y a bien sûr à l'américaine qui fait grand spectacle, etc. Mais franchement, les images sont quand même superbes et ça donne de l'espoir, moi je pense, par rapport aux témoignages des patients qui ont utilisé. Ouais, c'est ça. Donc après, voilà, faut se renseigner, pas faire n'importe quoi, évidemment. Mais se dire... c'est ça. Se dire que voilà, il y a peut-être quelque chose, des remèdes qui sont dans la nature, tout simplement. On dit que l'art imite notamment. La nature, mais il n'y a pas que l'art, ou alors la médecine, qui est un art aussi. Voilà. En médecine chinoise, ils utilisent beaucoup de champignons. Ouais. Après, la musique peut être un remède aussi. Oh, c'est beau. C'est bon. La musique adoucit les mœurs. Hein, c'est ouais, pareil, ouais. Fait-elle pousser les champignons ? Alors ça, je sais pas, mais on va voir avec Tevani, Narcos acoustique, déjà, si ça peut t'aider, Daniel. Ouais, ça fait pas des champignons. Ouais, bah, le Narcos, non. Ça suffira. Bah. Ouais. Le Narcos, ouais, c'est dormant. Narcotrafiquant. Teddy, le plus boulanger des animateurs de PK Avenger jusqu'à 23h sur Indestar. C'est vrai que Kevin en boulangerie, moins. Allez, vas-y, Teddy, profites-en. C'est vrai que niveau... Si je te parle, par exemple, de levure, vu que c'est dans le thème ce soir. Hein? Comment on dit le... Enfin, quel est le nom latin ou scientifique de la levure classique, la levure de boulanger? Laisse-moi 30 secondes, je vais chercher sur Internet et c'est bon. Vas-y. Bon, je suis plus rapide qu'Internet. Je vais le vas-y. Dire, du coup. C'est Saccharom... Saccharomyces cerevisiae. D'accord. En bon latin, je massacre toutes les langues. De est-ce que saccharo a un rapport avec la saccharose au sucre? Ouais, hein, totalement. Peut-être. totalement. Parce que, comment dire, la levure en boulangerie, elle est là pour dégrader le sucre, le gluten, la glucose, tout ça. Vous voyez le lien de la farine dans la pâte à pain. Ouais. Et c'est ça qui crée des gaz, notamment. Ça lui donne mal au ventre, à pète. Allez, on va la jouer comme ça. C'est hein, pour imagé, que tout le monde oui, on avait compris. Et c'est comme ça que ça fait gonfler le pain. C'est la dégradation du sucre. Voilà. Okay. En sachant qu'aussi, le fait de dégrader en fait, le gluten du pain, ça casse, entre guillemets, les fibres. Si on oui, peut appeler ça. C'est ça. Ouais. Ouais, on peut dire ça comme ça. Sorte de fibres. Et en gros, plus ta pâte, elle est poussée ou elle a duré longtemps dans le temps, elle a, en gros, t'as laissé la levure agir plus longtemps, plus ta pâte va être très facilement assimilable. D'accord. On en revient toujours au mycélium et à la terre. Les champignons transforment la terre d'une manière ou d'une autre en nutriments pour tous les autres êtres vivants, grosso modo. C'est à peu près la même chose pour le pain. D'accord. Plus vous laissez la levure agir, plus ça sera facilement assimilable pour vous. Okay. Ça prédigère. Hein, ça prédigère. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une des opérations. Ça prémâche pour vous. Oui. Après, je pensais par rapport à la terre, je me disais, ah tiens, puis en fait, quand on parle de terreau, le côté léger, une fois que la terre est, tout c'est est digéré que dedans. Hein, des champignons. Ouais. Oui. Après, j'y connais rien en terreau parce que j'ai pas la main à faire. Je vais pas pousser beaucoup de légumes sur un balcon. Non, mais, c'est compliqué, même à mon avis. Mais en tout cas, je veux dire, quel que soit le milieu naturel où tu te trouves, tu ne vois pas forcément les choses parce qu'il y a beaucoup de champignons microscopiques. Ah, oui, mais si tu vois qu'il y a des végétaux qui se décomposent, c'est que tu as champignons, bactéries, voilà. C'est vrai. Et de l'air. C'est vrai. Ah, oui. Là, Daniel, on va en reparler d'ailleurs. Ouais, on va. Oui, elle avait parlé de fleurs en musique. Ouais, de fleurs en chanson même, oui, me semble. Oui, on va continuer en chanson. Et puis ça tombe bien, tout à l'heure, quand je vous ai posé des questions sur les chansons, j'en avais sélectionné 4, dont une qui sera en surprise tout à l'heure. D'accord. Mais c'est pas une surprise si tu l'annonces. Non, tout à l'heure, ça sera la surprise. Donc, donc je vais vous faire. On va faire un peu sous forme de karaoké. Pas karaoké, mais radio crochet, pardon. D'accord. Donc, moi, je vais vous chanter des paroles de chansons. Oui. Alors, pas obligatoirement que vous connaissez beaucoup, mais qui ont été célèbres. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous avez raté la tête de Thierry. Qui était « Oh non, ils vont encore me casser les oreilles. » Je garde le casque, je l'enlève. C'est ça, oui, je fais quoi ? De toute façon, comme il a dit, on lui coupe le micro en entendant les autres, donc j'ai pas besoin de casque non plus. Le retour sera fatal d'une manière ou d'une autre. Eh oui, il l'a dit, le retour. Dans tous les cas, tu l'auras. Ça reste super efficace. Voilà. C'est ça. Alors donc, pour me faire arrêter la chanson, si vous voulez, que je l'arrête. Faut trouver. Faudra trouver le titre de la chanson. Oh merde. L'artiste, le champignon, et la fleur. Bon, soit l'artiste d'origine, soit un qui l'a repris de manière. Ok Google, ok Siri, ok. Ouais, voilà, ok tout là. Bon alors, je vais commencer un par un que vous connaissez peut-être pas beaucoup. Ah bah voilà, déjà. Mais qui a quand même son importance dans la chanson. Alors, ce sont que des chansons françaises. D'accord. Comme un indice, hein. Là, c'est un chanteur. D'accord. Hein. Alors. Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville. Ah oui, je connais ça. Avec le cafard tranquille. Eddie Mitchell. Du passant. Michel quelque chose. Merde, raté. Non. Toi qu'elle a laissé tomber. Balavoine. Pour courir vers d'autres lunes. Tout ce qui nous passe par l'esprit. J'en connais plus. Pour courir d'autres fortunes. L'important, c'est la rose. Et c'est C'est le Parti Socialiste. Allez, pourquoi c'est... Parce que ça a été repris justement, pour le Parti Socialiste. Non, puis il y a eu une parodie de Thierry Le Luron qui chantait ah « oui. L'emmerdant, c'est la rose, l'emmerdant ». Et c'était Gilbert Bécaud. C'est la rose du printemps. Voilà. J'aurais dû penser à Gilbert Montagnier. Voilà. Alors c'est une chanson de 1967. Qui a été écrit par Louis Abad. Ça, c'est Abad. Vieux. Tu vois, voilà, 1967, c'est, vieux, voilà. C'est pas comme le jour de 2000, je sais pas quoi, 13, c'est vieux. Non. 1967, tu peux y aller. Voilà, alors, voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vous invite à aller écouter le podcast de la semaine dernière. Ouais. C'était quoi déjà ? Kevin qui Science, disait que 2013, c'était vieux. Oui, par rapport à Rick et Morty. Ouais. Trop de violence dans ses paroles. Oui, je crois que ça a pas trop plu là. Il s'est fait un paquet d'ennemis. Oh, je les avais déjà en tant qu'ennemis, hein, si tu vas par la presse. C'est pas faux. Donc, mais se dire que c'était avant vous. Par contre, c'était après les champignons. Donc mais voilà, c'est pas si bien. Vous le saurez ultérieurement, plus tard. Ou peut-être. Donc, paroles de Louis Amat, Gilbert Bécaud et mise en musique par Gilbert Bécaud. D'accord. Voilà. Donc, je vais passer à la chanson suivante. J'allais dire numéro 2. Et ce soir, je suis pas content avec mon micro. Je sais pas ce qu'il a. J'arrête pas de le régler. Alors, oui, il arrête pas de... C'est moi qui suis peut-être pas normal. Arrête un peu de manger ton micro. Ouais. C'est peut-être toi qui es trop petit aussi. Là, là, c'est une chanson de... C'est aussi un chanteur. D'accord. Hein qui est français aussi. Ah, j'ai cru que t'avais commencé à chanter. Voilà. Ouais, moi aussi. Mais par contre, qui a été repris depuis par plusieurs célébrités. Même époque ou encore plus vieux? Non, beaucoup plus récent. Ah, d'accord. C'est plus vieux que 2013 quand même. Hein. Sauf la reprise, il y en a une assez récente. Avec le grand sourire en plus, voilà, qui va bien. Allons voir ça. Je vais. Allez, je m'éclaircis la voix. Oh, Mickey. Ah, j'ai fait Mickey. Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Je suis pas dans l'air, non. Ça va pas. Oui, mais les fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs. Jasmin, Lila. Ah oui, le pouvoir des fleurs, c'est Woolsey. Voilà, c'est ça. C'est ça. Pourtant, je l'avais répété avant, mais là, j'ai pas réussi à me mettre dans le rythme. Oui, enfin, je me disais, allez, les paroles, oui, je connais, mais par contre, ça doit pas être comme ça. C'est, ouais. Voilà, c'est de 92 et ça a été repris récemment par les Kids United. Ouais. Ah oui. Et je crois qu'il y a M. Pokora aussi qui... Ah non, c'est ouais, peut-être pas celle-là. M. Pokora qui a fait une reprise de reprise. Parce non, que non, non, ouais, c'est changé. Alors celle-là, elle est vraiment hyper connue. Elle est entre les deux. Mais le chanteur, c'est un des chanteurs les français les plus célèbres. D'accord. Yannick Noah. Non. Raté. Non, des fois il est français, des fois il est camerounais. Ça dépend ce qu'il fait, celui-là. Ouais. Ça dépend ce qu'il veut, ouais. Voilà. Et il n'est pas toujours chanteur, il te renvoie la balle de temps en temps. Ouais. Aussi. Et là, je renvoie la balle à personne. Moi. Bah, c'est à toi-même pour commencer à chanter. Hein. Commence à estirer une balle. Et voilà. Là, je chante. Alors là, on est sur un ton disco. Hein. Magnolia, Claude François. Putain, j'ai même pas le temps de commencer. Bah, ça, c'est bien. Vas-y, continue, Félix. Ouais, j'en fais quand même 2-3 la ligne. Oh, your girl is crying in the night. Ça, c'est le cœur. Is she wrong or is she right? Je ne peux plus rien y faire. Nous non plus. Ouais, là, je te confirme. Champignons. Apportez-moi les champignons qui calment. Je crois que ce sera pas suffisant. Non. Alors, c'est une chanson de 77. D'accord. Enfin, c'est pas tout à fait Magnolia le titre, c'est Magnolia Forever. Oui, oui, c'est pas grave, Teddy avait trouvé. Non, oui, non, j'aurais pu être. Mais comme j'ai été sympa pour avant, j'y étais aussi. Là. C'est Forever pour que ça dure longtemps. Voilà. Ouais, c'est mais ça, là, ouais, il a pas voulu que ça soit Forever, non, pour moi. Hein. Construit pour durer. C'est ça. Alors, le titre a été donc de 77. Il a été repris par les To Be Free. Et puis forcément par M. Pokora. Et par M. Pokora, voilà. Ouais. C'est lui, je me suis trompé entre. Teddy, t'es vraiment fort, hein, pour trouver. Ah ouais. Puis il est tellement fort, finalement, je vais l'embaucher pour faire un karaoké. Là, maintenant? Ouais, bah on va pas tarder à le faire, ouais. Ah oui, d'accord. Non, mais je vais quand même le présenter aussi, parce que je vais me déplacer en même temps pour voir les paroles. Bah oui, oui, effectivement. Autrement, ça va être un petit peu embêtant, je vais avoir un petit peu de mal. Alors, on vous a... Alors, il y a du mycélium, ouais, qui me passe au-dessus. Ouais. Il est en train, ouais, d'attaquer Thierry. Vous le voyez pas, mais il y a Daniel qui s'est déplacé avec son casque, voilà, et son micro. Du coup, arraché. Il a deux fils. Et j'ai arraché la tête presque de Thierry, en fait. Hein. Alors, on vous a préparé quelque chose de nouveau. D'habitude, on fait des karaokés, on vous passe des mashups, et ben là, on a fait un karaoké mashup. Oula. Ouais. Alors, moi, je vais. Alors, oh, bah, je vais pas donner le titre encore. Hein. Moi je vais en interpréter la version ancienne de 65. Et Teddy qui va faire. Je dois avouer qu'il a la partie la plus difficile. Alors, donc s'il se rate un peu. Bah vous êtes habitué. De toute façon, ouais. Il est trop jeune pour mourir. Ça doit être la version de 1992 qu'il va nous faire. Ouais, c'est vachement plus jeune. En Igo là. Oh, j'étais pas né en 92. Moi si, donc voilà. Ah. Notre karaoké version Peck Avenger. En mashup, karaoké, mashup, ça c'est tout à fait tout ce qu'il y a de plus nouveau. Sauf que le karaoké veut pas démarrer. Ah bah si, mais je le lance. Ah bah si, lance-le alors. Allez, ça vient. On a épié un peu de choses. Et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis né, baptisé de rosée. Je me suis épanoui, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermé la nuit, me suis réveillé vieille. Pourtant, j'étais très belle. Où j'étais la plus belle. T'es sûr? La plus belle de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Ça, c'est de la chanson. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Je suis pas du tout en accord avec la musique. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Toi, Daniel! Tu m'as admiré hier, oui, et je serai poussière pour toujours, pour demain. Digéré par les champignons. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. Ah, oui, sans mon mycélium. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait. Bien au-delà des nues et qui me souriait. Quoi celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Bah, ça veut pas ça. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'as admiré hier, et je serai poussière, pour toujours, pour demain. Ah, je me rappelle, ça fait... On peut nous applaudir quand même, parce que là, franchement, clap, c'était clap. Difficile. Vas-y, je m'applaudis moi-même. Mais les champignons applaudissent en silence. Moi, je trouve que c'était pas plus mal que si c'était pire, en tout cas. Mais ça aurait pu être pire que pas plus mal. Moi, je trouve, je trouve que c'est mieux qu'au début, en off, quand il répétait, c'était complètement à côté. Ça va être un massacre. Et au final, c'est pas si mal. Oui, parce faut on quand même... On s'est entraîné. On s'est entraîné, parce que... on n'avait plus les rythmes dans la tête. Ouais. Surtout Teddy, parce que j'y avais réservé le morceau quand même le plus compliqué. T'as pas été sympa avec Teddy alors. Il nous traite souvent de vieux, alors j'ai dit je laisse le côté le plus jeune, et comme le plus jeune c'était le plus dur, et moi, je l'ai attrapé. Ça faisait un peu R&B, je sais pas comment dire ça, mais ça faisait bizarre. Alors que moi j'ai appris la version vieille, on va dire, au collège. Alors la chanson que je t'ai fait chanter, c'est celle Mon ami la rose. De Natacha Atlas, ça doit être en 1992, je crois. Qui était un peu. C'était un peu l'époque du rail à l'époque. D'accord. Et donc, c'est un peu cette tonalité. C'est une chanson qui a été écrite en 1964. L'époque des trains, l'époque du rail. ça roule toujours, ouais, il paraît. Par une dame qui s'appelle Cécile Collier. Et a priori, la chanson, pour X raisons, elle a écrit la chanson apparemment en même temps que la musique en 1h30. D'accord. Il y a des génies comme ça. Hein. Elle a eu l'idée. Alors, j'ai jamais vu son nom ailleurs sur un autre texte, sur une autre musique. Mais... Des génies ponctuels. Juste un truc. Ouais, c'est ça. Mais en musique, ça c'est souvent fait. Il y en a beaucoup qui sont connus pour un tube ou deux. Un truc et c'est fini. Après, ouais. Et encore, ils sont connus. Nous, pour un tube ou deux, on n'y est même pas. Hein. Non. En même temps, vu ce que ça donne des fois, c'est peut-être mieux. Bah si, dans les YOLO musique, on sera forcément connu. Ça c'est sûr, ça marche. Eh bon, sur Indestar, on tente des choses, hein, clairement. Oui. La preuve, et on tentera d'autres choses plus tard. Ne vous inquiétez pas, nous serons là. On va peut-être s'assurer une chose aussi sur Indestar. D'avoir de la vraie musique. C'est ça. C'est vrai qu'en option, c'est pas mal. Hein. Ça changera du cirque. Ouais, avec The Midnight, Deep Blue sur Indestar. Les Pika. Pika. Bon, laisse tomber Pikachu, je vais le faire. Pika Avenger sur Indestar, de 21h à 23h. Pika. Oh. Ah, c'est plutôt jusqu'à 23h30 quand même. Je ne m'avancerai pas, mais... Non, mais comme ça, ça nous amuse toujours, voilà, sans savoir, de dépasser. Bah, alors, 23h. En tout cas, si vous venez d'arriver, bah, vous avez raté la moitié de l'émission, même les trois quarts. Même la quasi-totalité. Oui. Donc n'hésitez pas à aller revoir les podcasts sur indestar.fr. Non, à les entendre. Il m'énerve, celui-là, déjà. Arrête de faire des conneries. Bah... De dire. Ouais, c'est ça. Et hop, la petite vengeance. Mais... Là, on va un peu jouer, quand même. Bah oui, c'est la... Non, pas la minute. Une minute, c'est trop court, le quart d'heure de Kuzman. Et tu sais ce qui nous manque pour jouer ? Des champignons. Ah, ça aurait pu être un des bon buzzers. Non, mais vous rigolez, mais j'avais été dans un magasin à Tours, je crois que ça s'appelle la 16, donc. Ouais. J'avais vu des buzzers et j'ai hésité à les acheter. Mais... Parce que je savais pas comment les brancher sur la console de la radio, mais... C'est en pourparler avec un certain Théo. D'accord. J'avoue que ça peut être très fun. On avait parlé, il faut juste les boutons et je m'occupe de toute la connexion des branches. C'est vrai, on en avait reparlé. Ouais, ouais. Bah, ça. Je me rappelais juste sinon, plus dans la sinon, il en faut des sans fil mais qu'ils fassent un bruit différent chacun pour qu'on les reconnaisse. Non, mais en fait, c'est prévu un branchement de façon à ce que celui qui tape en premier bloque les autres. C'est tout simple. Mais c'est vrai que ça serait plus simple encore. Parce que moi, je me dis, genre, j'ai une boîte à meufs à la maison. Hein. Ça fait déjà un truc. On peut trouver des trucs artisanaux. Un son différent. On pourrait mettre un son différent, en effet, par buzzer. Ça serait rigolo. Ouais. Effectivement. Mais... Là, en attendant ce soir, ce qui va être rigolo, ça va être le quiz. Donc, 5 questions avec 3 propositions de réponse. Pas toujours. D'accord. C'est vrai, c'est pas toujours. Il y a des fois où t'as pas eu envie. Des fois c'est 0, des fois c'est 2. Des fois c'est. Oui, des fois je m'en fous. Bah, comme d'hab. Ouais, comme souvent. Bon, on verra. Le but c'est toujours d'apprendre un petit peu des choses. Non, je déconne, c'est de vous faire chier. Ah, mais si on chie, il y aura des champignons après. Effectivement. Donc, et du coup, sur les manches, donc on va évoluer si on les mange. J'ai pas dit de manger la merde, j'ai dit de manger les champignons. Non, parce que manger la merde, c'est les champignons qui le font. C'est vrai. Et on va commencer avec par faire pousser une les plante. Champignons. Non, on va partir côté plante. D'accord. Parce qu'on part côté plante. D'accord. Donc, il n'y a pas de raison particulière pourquoi côté plante d'abord. Pourquoi pas. D'accord. Pour être planté. Quelle est la plante qui sent le plus mauvais au monde ? Est-ce petit A, la raflésie ? Est-ce petit B, le phallus du titan ? Est-ce petit C, la menthe ? J'adore, regarde Thierry. Il se fout de notre gueule. Tu te forces. C'est pas le champignon qui va tirer dans la merde. C'était dit, c'est ça. Donc oui, ça dépend en fait de mes envies. Parce qu'il est vrai que je déteste la menthe. Donc il y a deux phallus de titan. Il en existe beaucoup des espèces de menthe. Hein. Ouais, mais je les déteste tous. Et la raflésie pour les forêts. Oui, il paraît. Alors, la raflésie, oui, d'ailleurs, il y a un Pokémon qui est issu de ça. Hein, raflésia. Raflésia. C'est une plante qui a la réputation de sortir très nauséabonde, très dégueulasse. Hein, mais comparé au phallus de titan, ça reste encore léger. Le phallus de titan, qui a deux records hein, actuellement à son palmarès, on va dire. La fleur qui pue le plus au monde et la fleur la plus grande au monde. Plus de 3 mètres d'eau. C'est pas mal, pendant 3 ça jours. Ça fait un beau phallus. Ça fait un beau phallus. D'où son nom, parce que ça monte en pointe et après ça sort les pétales. C'est. Impressionnant. Et un ça sent aussi. Phallus qui sort les pétales. Oui. Oui, parce que ça reste une fleur. Ouais. Cherche pas à comprendre. Et crache du feu. À toi, j'étais persuadé que c'était la raflésie. Non. Non, tu vois, j'étais persuadé. Non, c'est la Fabian. C'est pas. Je ça, tourne ma petite ardoise et je mets des petits points pour Océane et pour. On est sur une radio musicale, faut des références. C'est ça. C'est vrai. Ah, il savait pas qu'il avait mis cette question là, dis donc. Ouais, c'est ça. Non, c'est que je l'adore cette question. D'accord. D'où provient l'ambre ? Petit A, les conifères. Petit C, les feuillus. J'ai dit petit C. Oui, je me dis, il a encore choisi de nous emmerder en allant dans tous les sens. Il n'est pas fait exprès. Alors, je vais refaire conifère A, feuillu B, et les deux C. Oh quelle ambre alors ? Parce qu'il y en aurait plusieurs. L'ambre solaire. Alors il y en a plusieurs parce qu'il y a plusieurs plantes. Il y a pas qu'un seul conifère. Un conifère, c'est toute une famille de d'arbres. Bah, toi, t'es con et comme on peut rien y faire. Elle est bonne. La Danielle ouais, est en train de réfléchir, mais... Non, parce que là, ça me pose un problème. Réfléchis parce pas que trop, Danielle. L'ambre de la Baltique n'a rien à voir avec des arbres. Mais il n'y a pas que de l'ambre qui vient que des arbres. Ben moi, c'est celle que je veux, moi, celle qui vient des arbres. Là, vous avez bien compris que c'est le choix entre deux arbres, de toute façon. Oui, il paraît. Donc, effectivement, il y a de l'ambre d'autre chose, mais je on s'en branle. Je ne sais pas. Non, parce que l'ambre de la Baltique, c'est pas issu d'un végétal, c'est pour ça, et je connaissais que celle-là, moi. Je la connais pas, l'ambre de la Baltique. Bah, mais comme ça. Oui, effectivement, la plupart des ambres, en tout cas, viennent des conifères. Raté pour toi, Océane, cette fois-ci. Oui, des conifères, la résine des sapins, c'est pas nouveau. Hein. Quand on touche un sapin, généralement, ça colle. Enfin, souvent, oui. Si vous frottez à des sapins. Oui. Enfin, c'est bizarre. Oui, c'est. Ça colle aussi avec le phallus du titan. Bah non, je crois pas. Non, par contre, ça sent la viande avariée apparemment. Enfin, même plus que la viande avariée. D'accord. Oui, les conifères produisent de l'ambre. Enfin, c'est la résine en fait qu'ils produisent et ça se fossilise. Avec oui, c'est le temps une fossilisation tout à fait. De la résine et ça nous intéresse beaucoup parce qu'on peut avoir des micro-organismes dedans, les fourmis, les moustiques, surtout les moustiques, c'est ça qui nous intéresse le plus. Dans l'ambre pour récolter de l'ADN notamment de dinosaures et refaire des trucs de dinosaures. Enfin, ça y est. Un peu comme Jurassic Park, hein, c'est issu de ça, mais c'est très intéressant au point de vue scientifique en tout cas d'avoir des insectes conservés dans de l'ambre en tout cas. Voilà. Ok. Je me tais. Oui. Question 3. Il va bien parce que là franchement. Il faut un point scientifique quand même. Je me venge. Quelle est la plante qui pousse le plus vite? J'adore les records. Est-ce le bambou de Birmanie? Est-ce la Victoria Amazonica, pardon? Ou petit C, est-ce l'herbe verte? Ouais. Pas l'herbe rouge, l'herbe verte. Non, je déconne, il y a aucune... L'herbe, voilà. Bonne chance. Ça nous gonfle. Je comprends. J'aimerais pas être amazonique. J'ai mangé des champignons à la grecque. Le bambou en 1 et l'Amazonica, la Victoria Amazonica. La Victoria Amazonica en 2, ouais. Et ben, ne sachant pas ce que c'est, allons-y. Ouais, moi c'est pareil. Alors, nous avons le bambou pour Océane et Daniel. Et nous avons la Victoria Amazonica pour Thierry et Kevin. Rien que pour savoir ce que c'est. Ouais, c'est ça. Ça pousse très vite. Mais le bambou pousse plus vite. Oh putain. Le bambou de Birmanie, il arrive. Enfin. 91 cm en une journée. Tu peux presque le voir pousser à l'œil nu. Ah ouais. En vrai. Bah, un mètre quand même en une journée, oui. ça devrait se voir. Hein. Mais, c'est sûr. C'est qui a répondu ça? C'est Océane et Daniel? Oui, ouais. et moi, oui. C'est ça. Daniel a 3 points. Mais on sait toujours pas à quoi non ça ressemble. Ouais, c'est ça. La Victoria alors, machin là. La Victoria Amazonica, en fait, tu l'as forcément déjà vu. Mais on s'en fout, c'est pas la bonne réponse. Le nénuphar qui ressemble à un plat de. Tu sais, un moule à tarte. Non, vraiment, dans l'image. La science façon Indestar. Ouais, c'est ça. Comment dire, c'est un nénuphar, mais avec les bords relevés, droits. D'accord. Non, mais je crois que vous imaginez un grand rond. Quand sur je réécouterai le podcast sur internet, non, mais, non, ouais, c'est vraiment branché. Donc ouais, c'est ça, ça sera plus simple. Non, mais franchement, je vais t'expliquer le problème. C'est qu'il vient d'être contacté par Jamie pour le remplacer. Donc il s'entraîne. Ouais, bah. Et ça jamais, jamais. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle pousse aussi assez vite, hein, vu que c'est une feuille, hein, grosso modo, posée sur l'eau. 96, je crois, centimètres en 6 jours. C'est moins rapide. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir les nutriments apportés de feuilles, on va dire. et 96, de diamètre, hein, 1 centimètre de diamètre. Ouais. Donc oui, c'est assez grand et oui, ça fait un moule à tarte. Hein. Ça ressemble ça vraiment à un moule à tarte. Ce sont des plantes invasives, quoi, tout ça. Ça oui, ça va souvent, ouais, ça, comme tous les nénuphars. Qu'est-ce qui est issu des champignons? Est-ce la levure? La pénicilline? Ou les deux? Je suis un peu triste sur cette question. Mais voilà. Attends, issu. Issu ou et d'un champignon ou de la même famille, oui. Voilà, la famille Indestar. Bon bah je crois que la réponse est vite répondue. Oui. Effectivement c'était la réponse 3, donc les deux, hein, la levure on l'a dit tout à l'heure c'est un champignon. Oui. Enfin les levures sont des champignons et la pénicilline vient du pénicillium je ne sais plus quoi, parce que j'ai oublié le deuxième mot évidemment. D'accord. Donc comme je vous l'ai dit il est assez simple ce quiz. Jusqu'à là on va dire. Combien pèse le plus gros champignon connu au monde? Il y en a un, on l'a pesé, et effectivement, il pèse assez lourd. Enfin, pesé, façon de parler. On l'a évalué? Non, non on l'a pesé. 37 kilos, 237 kilos, ou plus d'une centaine de tonnes? Je me cache derrière mon ardoise. J'ai pas envie de rigoler. Attends, il y en a, ils sont rapides dans leurs réponses. Hein. D'accord. Ok. Parce que, bon... Je vais être le 2, mais ça risque d'être le 3 parce que je sais qu'il y a des trucs géants qui existent. Ah oui, tu en as parlé tout à l'heure. Il y a des champignons qui couvrent je sais pas combien de kilomètres carrés. En oui. Amérique du Nord, il y en a un qui est estimé, je crois, à 2000 km carrés. Ouais, c'est ça. Et c'est exactement lui qui pèse plus d'une centaine de tonnes. Ça pèse lourd, hein, champignon, oui. Pour le coup. Ah, on est loin de la petite truffe. Ouais, c'est ça. Mais oui, du coup, plus d'une centaine de tonnes, et c'est exactement ce champignon-là que tu parles, en plus, c'est ça qui est marrant, et c'est pour ça que t'as faux. Mais je croyais pas qu'il était si lourd. Bah, je croyais que c'était une dizaine de... Enfin, peut-être une dizaine de tonnes, pas plus, et je savais pas si t'es considéré... J'avoue qu'une dizaine de tonnes, ça reste quand même... Ouais, ça reste déjà pas ouais, mal. Non, une centaine, enfin, plus d'une centaine, ils ont pas mis le chiffre exact, parce que c'est une évaluation, encore une fois. Ils sont pas à la tonne près, c'est mais pour tu ça vois, que ils ont du mal, en plus. C'est pour ça que je t'ai demandé une évaluation, donc je... Je savais pas si celui-là allait être compté. Sur 2000 mètres carrés. Je cherche pas d'excuses. Hein, je... Non, oui, voilà. C'est pas une excuse. De toute manière, t'as faux. Tu cherches surtout à gagner des points. D'une manière. Non, j'en ai trois. Moi, de toute façon, j'ai la moyenne, je m'en fous. T'as 4? Non, j'ai avec 3. D'accord, t'en as 3. La première, j'ai pas répondu juste. Ah, c'est pour ça. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai mis un point bonus. Je suis honnête. Donc, comme je suis honnête, tu devrais me remettre le point. C'est beau. Ouais, mais comme ça m'évite de faire une égalité. Comme ça, je suis content. Vous êtes tous les trois à égalité avec Océane, Daniel et Kevin à 3 points. 3 points et demi pour Daniel. Je suis à égalité avec 3 points et demi avec ce grand dans 3. T'as vu, c'est beau. Thierry, tu as 4 points. Tu t'es bien informé sur les champignons. Ah oui, et sur les plantes en règle générale. En tout cas, je peux dire que je m'intéressais aux champignons déjà avant, mais là, le fait d'avoir préparé cette émission et d'avoir vu ce que j'ai vu, ça m'a apporté beaucoup de choses et ça m'a ouvert le champ effectivement des possibles. Le champignon. Ça donne envie d'en savoir plus. Parce que souvent, quand on parle de champignons, on s'intéresse souvent aux champignons, ceux qui sont comestibles, à se ramasser en forêt et tout absolument. Ça. Je vais pas dire que c'est inintéressant, parce que si, c'est intéressant d'une certaine manière, mais pas autant de toutes les utilités qu'on peut faire avec des champignons pas forcément comestibles. Genre la pénicilline, c'est juste miraculeux comme champignon, enfin le pénicillium, juste ça déjà. Mais tout ce qu'on peut faire avec des champignons qu'on n'a pas encore découvert ou tout ça, c'est énorme. Ouais, et puis de se dire que quoi que tu fasses, que tout ce que tu foules, tout ce que tu respires, tout ce que tu touches, etc., il y a potentiellement un champignon. Si je touche mon micro, là, je touche des champignons. Et donc, tu les transportes, limite, tu les écrases, tu les transformes, un peu comme etc. Le COVID. Et eux, de même, t'envahissent, te transforment, etc. Ils vivent avec nous, ils sont avec nous, ils nous font vivre, ils nous font ils sont partout. Mourir. C'est peut-être ça qu'il faut retenir. Hein. C'est ça. Voilà, on vit avec des champis. Nion. Tu veux un nion? Ah oui, certains ont des nions plus que des champignons. Peut-être, va savoir. Surtout s'ils appuient beaucoup sur le champignon. Aïe, aïe, aïe. Sans doute un domaine à étudier dans le futur. Ils finissent par terminer comme le mot. Voilà. C'est tout pour moi, pour le coup. D'accord. Bah, pour moi aussi, ça va être tout, tiens, je crois. Ah, hormis, oui. Hormidable. Ah, on va voir si tu y penses. Allez, vas-y, tiens. De quoi? Non, moi j'aimerais qu'on rappelle, quoi? Par exemple, tu as parlé de quelqu'un qui allait peut-être venir sur une des stars. Ouais. Qui est-ce? Bah, Sébastien. Il l'a dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout non, à l'heure. Non, je viens de dire que je voulais qu'il le rappelle. Oui, c'est Sébastien. Non, tu n'as pas écouté. Donc comme Sébastien tu m'as dit tout qui à travaillait chez Dreamworks. Chez Dreamworks, oui, qui a travaillé sur des trucs comme Kung Fu Panda. Donc animateur, je sais plus le nom exact. Enfin, on va dire animateur graphique, il était. D'ailleurs, on pourrait écouter l'émission dans laquelle il était là. C'est que celle-là. Qui était en podcast, oui. C'est... Donc l'émission était à peu près... je crois me souvenir que c'était au mois de février l'an dernier. D'accord. Mais le podcast 2021. Est toujours disponible sur indestar.fr. Oui. Ou sur Spotify, Deezer, Podcast Addict, tout ce que vous voulez de podcast. Podcast Daniel, non pas Non, pas sur celle-là. Non, ah. non, non, bon, pas bah encore, c'est raté. Pas encore. On a une version bêta maintenant. D'accord. Très bêta. Gros bêta. Bah avec toi, c'est sûr que c'est bêta. La semaine prochaine, en tout cas, on va se retrouver, nous, les Peck Avengers, avec un thème différent, forcément. Exactement, waf. On va, après avoir parlé des champignons, on va parler de ceux qui les mangent. C'est possible. Alors, ça peut, ou oui. ceux qui en sont dérivés, puisqu'on a dit qui tout à l'heure possible, qu'il y a eu une division éventuellement dans l'évolution. Ouais, c'est ça. C'est vrai. D'ailleurs, je veux la musique 30 millions d'amis. Hein, bon. Parce que, comme vous l'aurez compris, on va parler d'animaux. Serons-nous encore amis après tous ces noms d'oiseaux que nous avons utilisés ? Serons-nous amis, surtout après tous ces mots ? Ouf. Ouf, ouf, ouf, ouf. Est-ce que ça serait pas le mot de la fin ? Ouf. Ouf. Peut-être. Je vais juste dire aussi, la semaine prochaine, comme vous savez, il y a maintenant tous les mois, il y a une spéciale le troisième vendredi de chaque mois. Donc vendredi 21, il y en aura une qui sera consacrée aux dom-tom, et aux états insulaires, aux îles. On va essayer de vous faire rêver en ces temps un peu froids, moroses. D'accord. De vous amener du soleil. Et je vais vous faire une petite confidence. Je ne vais pas faire que porter des chemises hawaïennes. Il va porter un short hawaïen aussi. Ouais, ça me fait peur et aussi. Ça sera vendredi prochain de 21h à 23h pour le coup. Oui. Mais comme on savait les affaires plus, j'espère que l'on sera en forme pour faire plus. Bah, j'espère parce que vendredi prochain, c'est mon anniversaire quand même, les gars. Ma foi. Pourquoi faut faire une émission spéciale samedi ? Bah oui. Ah attention, on va prendre au mot, hein. Ouais, fais gaffe, hein. Dans tous les cas, je tiens à rappeler quand même que vous avez toujours Starter le lundi de 21h à 22h, émission voiture. La semaine dernière, par exemple, on a parlé de la vitesse. Oh putain, ça roulait vite, hein. On a tapé dans des voitures qui roulaient à 1600 km/h. C'est pas mal, enfin c'est même plus des voitures, hein. C'est juste des voitures fusées, hein. Mais bon, voilà. Le mercredi, il y a Actu Solide de 21h à 23h aussi. Effectivement, alors je sais plus ce qu'ils ont. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait cette semaine. C'était pas le manoir, c'est la semaine dernière. Cette semaine, je connais pas leur thème, et la semaine d'après non plus. Je ne sais pas non plus. Écoutez-le, comme ça vous pouvez nous le dire. Dans le truc, hein. Et donc le jeudi, il y a bien évidemment Peck Avenger de 21h à. Bon, 23h aussi, mais. Et du lendemain, quoi. 23 ouais, c'est heures ça, c'est un peu plus tard, on va dire. Exactement. C'est tout ce qu'on peut dire, je crois. Oui. Ça y est, il est déjà fatigué. Ouais, c'est ça. Il lâche son stylo, ça y est. Papy il va tomber par terre. Fini, ah bah, Papy Teddy, il va aller se coucher. Je crois. Tu veux une musique pour aller te coucher ? Tu veux quoi ? Tu veux une musique pour aller te coucher ? Une berceuse. Oui. Une musique qui fait penser à Linda, le membre absent. Ah, Epsilon. Epsilon, mais oui. C'est plus le paradis. Ouais, exactement. C'est plus le paradis parce que Linda, son nom de famille, c'est le paradis. Mais... On t'embrasse et puis gros bisous à tout le monde. Et bisous. À jeudi prochain. Bisous, salut. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.